de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux juifs, en moi, de travailler à la rédemption du reste des juifs. Petit coup de l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 20. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire, nous contacter à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Le forum sera de retour, nous l'espérons, le plus vite possible. Soyez patients, s'il vous plaît. Nous vous invitons aussi à soutenir le projet de réseau social sur Tor décentralisé. Ça va devenir nécessaire si vous suivez les annonces gouvernementales justement sur la censure des réseaux sociaux, Snapchat, etc. Vous sentez que ça va se renforcer, hein, inévitablement. Même si c'est toujours un peu compliqué de leur côté aussi pour le faire. En tout cas, soutenez ce projet de réseau social sur Tor. Si vous sentez l'âme d'un mécène, on vous y invite. Tous les détails sont présents sur le site à droite. Vous trouverez l'encart dédié. On a une pensée aussi pour Vincent Renoir, bien entendu, qui est toujours derrière les barreaux, ne l'oublions pas, en Écosse. Pour avoir contesté donc le mythe de l'Holocauste, comme vous le savez, perdons jamais de vue mes camarades emprisonnés. Et avant de remercier nos donateurs, je vais présenter mon sparring partner cette semaine, puisque nous sommes deux. Avec ce début d'été, beaucoup de nos camarades sont pris. Mais c'est Derrick. Salut Derrick, je suis content de t'accueillir pour cette émission qui sera forcément un peu spéciale compte tenu de l'actualité, et finalement, quoi de mieux que le cardinal pour apporter sa sapience sur tout, bah oui, les manifestations de l'éternégrerie auxquelles beaucoup de Français sont désormais exposés. J'espère que tu vas bien d'abord, et puis ensuite... Oui, salut Gandalf, ah. Merci de ton introduction, ça va très bien. Oui, écoute, j'étais attiré, appâté, hein, par... Ces odeurs de barbecue, de viande de brousse sur des caddies un petit peu partout en France. Oui, de viande de blanc bientôt peut-être aussi. Bientôt. Espérons un petit peu de viande de poulet, ça serait intéressant. du poulet grillé avec des vidéos, des lives sur Snapchat. Oui. Avec des nègres qui boufferaient ça à la bouche pleine, ça serait vraiment intéressant. Bah déjà justice là justice sociale. Effectivement. Alors, nous remercions bien évidemment tous nos donateurs sans lesquels l'émission ne peut pas se dérouler ni le site bien entendu. Merci à tous nos donateurs anonymes comme d'ordinaire uniquement par Monero. Il y a un guide explicatif situé à droite du site. S'il vous plaît, soutenez-nous. Sans votre soutien, nous ne pouvons pas continuer. Nous avons un don cette semaine. Enfin, une personne qui nous a écrit pour nous signifier un don. Si vous nous faites des dons, vous pouvez nous envoyer un petit message pour que nous vous remercions en ligne. S'il vous plaît, aussi, n'hésitez pas à le faire. C'est Mélas Autocrator, bon, un donateur historique, comme chacun sait, tous nos auditeurs le savent. Salut à l'équipe, je vous adresse mon don mensuel cordialement. Merci à toi, Mélas. C'est l'équivalent de 0,2 Monero, je crois. Voilà. Donc, merci à toi. Je voulais aussi remercier à l'antenne Daron Démocrate, qui nous a fait un très beau visuel pour la distribution de tracts. Vous allez le découvrir prochainement, hein, ce visuel qui explique bien les consignes à respecter. C'est vrai que ça peut paraître un peu long, les consignes, mais c'est toujours important hein, de se prémunir de l'hostilité du régime. Et dans cette phase d'accélération historique dans laquelle nous sommes, à laquelle vous assistez d'ailleurs, il est important justement de participer au débat public. Et nous avons réalisé un deuxième tract en rapport à la guerre raciale qui s'intensifie. Donc je vous invite à les trouver sur l'onglet dédié en haut du site pour les télécharger et les distribuer. Suivez s'il vous plaît les consignes de sécurité pour le faire. On ne tracte pas n'importe comment. On ne tracte pas n'importe comment. Donc il faut observer avec rigueur les consignes qui sont indiquées. Mais il est très important d'aller évangéliser les masses. Aller au contact du peuple qui n'a pas l'habitude d'entendre parler différemment de ce qu'il entend sur BFM TV, LCI, voire CNews. Et Dieu sait que CNews reste quand même un média très lénifiant. Donc, amenez-les sur un contenu nouveau. Amenez-les sur un contenu nouveau, c'est-à-dire démocratie participative. Je vous invite à aller voir les tracts, à les télécharger et à faire votre travail de croyant et d'aller au contact de votre peuple pour l'éveiller. Donc, merci à Daron pour sa très belle infographie que vous découvrirez prochainement. Alors, sans transition aucune, commençons cette émission, bien sûr, avec une rubrique courrier des lecteurs pour commencer, rubrique numéro 1. Salut Gandalf, salut à l'équipe. Merci pour votre travail vital d'épuration intellectuelle permanente. Je dois énormément à DP et vous faites un travail salvateur. J'ai pour vous des tas d'anecdotes à raconter en remerciement et je vais commencer par celle-ci. C'était un beau jour d'automne, il y a 2 ans, en visite à Metz avec un ami démocrate à proximité de la majestueuse cathédrale du centre-ville. Nous marchions dans une allée lorsque mon collègue suprémaciste blanc s'éloigna pour quelques instants. Je me tenais en bordure d'une voie passante et près de moi, une troupe de 6 Africains avec une affiche pour une ONG quelconque tentait d'obtenir des dons des passants. Je les fixais l'air inquisiteur lorsque l'un d'entre eux m'aperçut et s'imagina que le bon blanc qu'il observait rêvait de lui donner son argent. Il s'approche donc de moi et entame son topo. Sans dire un mot, je continuai à le fixer avec le regard d'un vidéaste animalier lorsque son discours me fit tiquer. Alors là, c'est le noir qui s'exprime. Là, c'est donc le noir qui parle. Hein, donc, et donc, l'argent que vous nous donnez va permettre le développement économique de l'Afrique, me dit-il. Alors, réponse de notre auditeur. Comment est-ce que je peux vérifier les réalisations sur place? Réponse du noir, on vous enverra des photos. Mais, réponse de notre auditeur, mais si c'est moi qui paie, j'aimerais voir moi-même. Et là, le noir réagit, non, c'est pour que les noirs vivent mieux en Afrique. On ne veut pas que des gens comme vous viennent vérifier après. Et là, il répond, notre auditeur, « C'est très raciste ce que vous dites. Vous venez ici, sur la terre de mes ancêtres, me demander mon argent et m'interdire de voir où il va. Parce que je ne suis pas noir. Vous ne me donnez pas du tout envie de vous aider. » Quelle stupéfaction soudaine chez cette créature. Un blanc avec une colonne vertébrale. Cette phrase lui avait fait comme un coup de massue. « Mais vous êtes raciste !» fait notre auditeur. « Je l'ai dit en premier, c'est vous, le raciste. » Le noir enchaîne. « Vous êtes un raciste, un fasciste, c'est de l'extrême droite !» Notre auditeur répond. « Calmez-vous, vous savez, on peut accomplir des choses sans être victime de rien. Regardez cette cathédrale, par exemple. Elle ne s'est pas construite toute seule. Les blancs ne l'ont pas volée aux noirs. On a fait ça comme des grands. » Un éclair l'avait frappé. J'étais très calme et froid, parlant doucement tout du long, mais lui venait de recevoir un éclair de Totatès donc sur la tête. Il a d'abord tenté de bégayer quelque chose, les yeux écarquillés, le souffle coupé, tremblant, découvrant la bête immonde, le blanc suprémaciste, le Nord, qui vit encore. Il marcha alors à vive allure vers le reste de son groupe. C'était un groupe de femmes métisses et de négresses. Alors je le vis tenter d'articuler de loin son récit en me pointant du doigt, mais je restais à le fixer imperturbablement, avec un petit sourire amusé. Mon camarade démocrate, un blond bagarreur, revint alors et je lui racontai l'événement en riant. Je ne voyais pas bien le groupe de bénévoles venir nous agresser avec leurs pancartes, leurs tracts et leurs dossards au milieu des passants tout en leur vendant la victimisation des Africains. Mais mon collègue ne fit pas cette analyse. « Viens, on les tape !» me dit-il immédiatement. « Mais non, ils sont déjà assez handicapés comme ça et puis ils vont bouillir de rage pendant des jours maintenant. » On en resta là, effectivement. Je raconte souvent ce souvenir d'épuration pacifique autour de moi. Merci à Gandalf de m'avoir rendu prêt à agir tranquillement dans de telles situations. Si je n'avais pas compris la responsabilité totale des Juifs dans l'effondrement de l'Occident, c'est le genre de situation qui m'aurait rendu malade moi-même à la place. C'est aussi grâce à Gandalf que j'ai pu rencontrer ce camarade. Malheureusement, nous ne sommes plus en contact, mais j'espère qu'il se reconnaîtra et se souviendra de ce bon moment. À bientôt, j'espère, pour une nouvelle histoire d'hyperdroite. Amitié extrême boréenne, et c'est signé le Père Castor. Merci, Père Castor. Je me retourne tout de suite vers le cardinal. Cardinal, vos ouailles font la manche donc pour construire l'église, j'imagine. Oui. C'est... D'ailleurs, ils sont juste à côté de la cathédrale. Hein, ils sont juste à côté de la cathédrale. Et voilà, hein, c'est jamais bien loin. Hein, certainement avec la bénédiction du clergé. Hein, c'est vrai que c'est. J'ai une bien idée d'ailleurs des squats de nègres, qui s'agglutinent hein, autour de des églises. Des églises dedans, et même dans les églises. Et même dedans, bien sûr. Donc ça c'est une chose. Mais okay, là, j'ai bien aimé là, le fait que notre auditeur ait indiqué que oui, c'est, bah, ils sont déjà assez handicapés comme ça. C'est exact. Hein, bah d'ailleurs, ils sont tenus pour tels par le système, hein, parce que toute la discrimination positive, c'est un petit peu le... Non, mais les deux tiers d'entre eux, quand ils font un truc, ils ne sont pas responsables pénalement, parce que si tu leur fais passer des tests, c'est très facile de voir que, selon le standard en fait, qui est attendu pour vivre en société, une société qui se veut civilisée, ils ne sont pas responsables, effectivement. Hein, ce sont des... oui, c'est des enfants de 7 ans, quoi. Au niveau du QI. Encore. Hein. Encore. J'ai vu des enfants de 7 ans plus vifs. Éveillés que des nègres. Hein. Plus vifs que des nègres. Ouais. Mais alors. La testostérone, quoi. Les ONG nègres. Oui. Alors, donnez-nous des sous. Ne venez pas voir. Hein. C'est, Non, ouais. C'est l'impudence de ces nègres qui viennent te tirer des sous. On veut pas de gens comme vous chez nous. Oui, on veut pas de gens comme vous chez nous. C'est bien, hein, c'est intéressant. Nous c'est pareil. On veut pas de gens comme vous chez nous. Par contre, le pire c'est que ça marche, hein, parce que bon, c'est un business, c'est pas possible. Évidemment, tous ces cons blancs là, surtout les boumeuses là, tu sais. Et puis, bien entendu, tout ça ne sert pas. De toute manière, il y a pas le développement. Heureusement, d'ailleurs, que ça ne sert pas au développement économique de l'Afrique. Mais c'est tout le pognon qui est là-dedans, ça ne sert que à faire tourner l'organisation. C'est-à-dire que oui. Tout ce truc-là sert au final à ce que tu aies un mec qui prenne des photos et puis qui les imprime, qui les. Enfin, voilà. Résumons. La fonction de ces ONG, le financement de ces ONG consiste à maintenir ces ONG en vie. Donc, oui, c'est ça. Reformulé autrement, le but de ces ONG est de s'assurer qu'il y ait des nègres et qu'ils puissent constamment faire la manche dans le coin des rues. Voilà, ça devient plus compréhensible. Voilà, faire la manche et de s'assurer que. Que le blanc constante à se mettre en esclavage lui-même. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Ce qu'il fait assez volontiers. Donne le fruit de ton labeur, de ton plein gré. Mm. C'est bon. Jésus t'en sera reconnaissant. C'est l'esclavage, c'est l'esclavage heureux, quoi. L'esclavage, oui, c'est comme la sobriété heureuse, mais voilà, c'est l'esclavage heureux. De civilisation. Mais c'est vrai que c'est intéressant que ce soit à proximité de la cathédrale. On voit bien, on voit bien aujourd'hui ce que c'est l'Église catholique. Hein. Sa fonction, c'est vraiment de donner, enfin, de s'assurer que le nègre mange bien, quoi. Hein. C'est ça, en gros. Oui, c'est ça. Hein, l'Église catholique a rejoint mon culte. Hein, oui, c'est bien. C'est bien. J'avais vu des annonces de la franc-maçonnerie qui disaient « Nous allons subvertir l'Église catholique et elle professera notre enseignement progressivement, etc. » Mais en fait, non. Grande ambition de la part de la franc-maçonnerie, mais non. Tu as gagné la partie. J'ai gagné. Tu as gagné. C'est toi qui as subverti l'Église catholique pour en faire une... Ah bah une immense... Une immense entreprise a vénéré le nègre. Et voilà, c'est ça, mais c'est extraordinaire, hein, c'était bravo. Hein. Oui, la maçonnerie s'est faite dépasser, quoi. Ah oui, là, c'est... Oui. Ça fatigue, là, j'ai vu là, des images... Liberté de conscience, etc. Oh oui. Bah, non, déjà... non, pas de liberté, vénération du nègre. Ouais. Sa majesté... Laïque et obligatoire. Loué soit-il. Ouais. Laudato si negrum. Tu l'as pas vu venir celle-là. Non. Extraordinaire. Alors, merci à Père Castor pour ce vivifiant témoignage de piété. Voilà. Je n'aurais pas donné mes sous, moi non plus. Bon, au moins c'est dit. Rubrique numéro 2, Éternègre. Alors, c'est sur fond d'émeute. Par contre, oui, juste, oui, faites-leur perdre du temps, quoi. N'hésitez pas à aller faire... Ah oui, les allécher. Vous, ils ne le passent pas à... Oui, oui. Bon, donc, si vous avez du temps, voilà, vous avez envie de vous distraire, voilà, restez souriez, machin, et puis à la fin, bon, quand... soit vous dites non, soit à un moment donné, vous vous barrez sans rien dire. Alors là, c'est... Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ça m'arrive de faire ça. De temps en temps, je me pose, je parle, puis hop, je dis rien, je me barre. La Croix-Rouge. Ah ouais. Bah, toutes les organisations caritatives, en réalité. Oui. C'est ça. C'est sans frontières, là, Médecins sans frontières. Ouais, bah, tout est sans frontières. Bon, moi, il y a 2-3 ans, non, avant Covid, c'était... Dès que j'allais dans les centres-villes, il n'y avait que de ça. Bon, ça a dû les calmer hein, depuis le Covid, je ne sais pas. Ouais. Ils ont dû faire le plein autrement, plein de fric. Là, si vous avez la chance d'en croiser, il ne faut pas hésiter à leur faire perdre leur temps. Ou alors à faire comme notre auditeur, s'il s'agit de nègres. Les blancs, c'est même pas la peine de discuter avec, c'est la viande pourrie, quoi. Mais les nègres, c'est bien. C'est marrant, c'est rigolo. C'est bien de les torturer un petit peu. Ouais. Alors, rubrique numéro 2, Éternègre. Alors, on parlait de prise de poids africaine. Et justement, il y a une africaine qui partage en image le fruit du dû que les Français lui doivent. Au titre déjà de la repentance pour l'esclavage, hein, il y a des réparations à fournir, la colonisation et tellement d'autres choses, et le racisme aussi systémique. Donc cette future française, à moins qu'elle ne le soit déjà, parce que c'est vrai que ça va vite. Oh, certainement. Ouais, je suis pas, je sais pas, mais. Bon, c'est quand même l'exception, un nègre qui est pas français. Hein, oui, c'est vrai. Bon, dans le doute, si elle ne l'est pas, elle sera prochainement. Vous le verrez sans le savoir, sa bobine sur une photographie qu'adore la presse régionale de naturalisation, cérémonie de naturalisation républicaine avec Monsieur le Préfet en grande tenue, avec les blanches du personnel de la préfecture et le miracle, hein, donc c'est-à-dire des tonneaux africains, des voiles et des ça tout, tout. Moi j'aime bien regarder ça, ça me Ah bah ah ouais, c'est t'es délicieux. au milieu, t'as souvent un paumé au milieu, c'est souvent un Américain, ou un Allemand, je sais pas, un francophile, Ouais, ou un qui légionnaire, est... tu sais, un mec de l'Est. Ouais, voilà, ouais, une erreur, mais tu vois, il y a eu un problème, mais j'aime beaucoup voir ça, j'aime bien regarder ça. Et puis en plus, même quand je suis, même sans même que j'apprécie, je veux dire, de toute façon, la presse régionale tient absolument à ce que je le vois. Donc dans mes fils de news, on me le montre, on me dit voilà, regardez, et ils sont souriants. Et le plus souriant, hein, c'est pas les nègres, c'est souvent des femmes d'ailleurs, bizarrement, c'est souvent des négresses ou des Fatmas. Mais le plus souriant, c'est quand même le préfet dans le lot à chaque fois. Oui, bah oui. Et là, il est là, il est, Ah, voilà, la c'est République, la l'histoire de la République. République. Voilà, la République, Ah. on a conquis des âmes, quoi, voilà, formidable. Gérald Darmanin, là, avec tout ce qui se passe, avec il dit que la République vaincra. Une naturalisation, c'est la République Qui gagne, qui qui gagne, gagne. quoi. Voilà, Et qui... c'est chaque naturalisation est une victoire pour la République. Alors, ben, on écoute et on se retrouve. Non, c'est la bino vlog, c'est quoi? On bilo non sous la zone, on a braquage à l'italienne. La zone, on a bah crevette. La bandit déjà au lia. Bah saumon, bandokyo, bah saumon, bah te kango, t'as la chair. Bah zui, bah crevette, les sauces sont. Crème épilatoire très important. La zui, bah gommage, bah crème. Bah fromage, bah labello. Et loco. Ou micellaire pour la colombe la maquillage. Bouta la gel douche. Surtout, oh, ils ont la chair, Nazoui. Bouta la déodorant. Bouta la badéo. Ba pâte, les sauces. Ba ketchup, ba mayonnaise, ba sauce, nyoso. Nazoui, même ba produit ménager, ba l'ignouka. Bouta. Et l'ingé braquage. Alors, Derek, alors, je connais pas la langue, hein, mais bon, sans trop me tromper, on est quand même bien, enfin, on est linguistiquement en Afrique, mais en Alors, France. ça serait du congolais, hein, je pense, hein, Ah, du Lingala. Lingala, Lingala, peut-être. En tout cas, sous toute réserve, si jamais on a des experts aussi, parce qu'après tout, tu as des étudiants, hein, dans tes, comment dirais-je, dans tes écoles. Bah, écoutez, si vous êtes versé dans le parler nègre, est-ce que vous pouvez nous identifier ce sabir? Nous en serions probablement. Je suis sûr à 90%. D'accord. Okay. Lingala, en tout cas, voilà. Mais alors, elle est fascinée par les produits qu'elle a. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses. Hein. Elle a pris beaucoup de choses. Elle mange, si vous faites attention. Elle a la bouche, ça mastique, hein, ça. Bah, Tu le nec vois? est un système comme ça. Comment dire? Tu files de l'énergie, il amasse. Oui, bah oui. Simple, hein? Un peu la définition du trou noir, j'ai l'impression. Oui, c'est une forme de stockage, quoi. Oui, c'est pas trop près. Mais alors, un commentaire sur cette. Parce qu'il y a de tout, hein. Il y a des produits de beauté, et puis elle énumère, et on sent qu'elle est très contente d'elle, hein. Elle est très fière de sa bouteille de déodorant. Oui. On sent que c'est quelque Déodorant. chose de très utile. Alors peut-être pour éviter que les gens ne fassent des bonds, hein, quand elle passe à côté d'eux. Et tu connais le sens de la mesure au niveau du déodorant chez les nègres, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient que les bombes de déodorant sont en usage unique. Tu vois, Oui. donc les mecs, tu sais, quand tu les croises dans la rue, t'as l'immense plaisir de te taper, Déjà leur odeur et puis ben, aussi non, mais c'est ça, qu'ils c'est la bouteille entière, qui viennent juste de se mettre en plus, tu sens que le truc sort carrément de la bouteille, quoi, tu vois. Mais, ils se lavent pas, alors t'as le plaisir d'avoir l'odeur du nègre aussi, tu vois, et ça te donne un Non, truc. même s'ils se lavent, ça Oui, veut non, mais dire même, oui, voilà, c'est au bout que d'un moment, voilà. enfin C'est pas vraiment une odeur, c'est plus un égrégore, j'ai l'impression, en fait, tu vois. c'est horrible, tu vois. Je crains. Je crains quand bon, on est obligé d'aller faire des courses de temps en temps. Ah oui, Tu bah oui. peux être dans un rayon, tu vois, du coup tu regardes des trucs, je sais pas, tu regardes des sardines, puis tu es concentré sur ton truc, tu vois, puis d'un coup, putain, tu es saisi par quelque chose. Tu n'arrives plus à respirer. En fait, c'est un nègre qui t'est passé juste derrière. Hein. Et puis bon, c'est pas forcément du, tu sais, c'est pas du nègre, tu vois, qui sort de qui s'est roulé dans la terre. Tu vois, ah oui, non, c'est pas lié. Ouais, il semble propre. Non, c'est racial, ouais. Mais voilà, c'est pas. C'est physiologique, c'est. Oui. C'est-à-dire qu'il est. C'est comme. Tu vois, c'est le pute. C'est quand même putois. Un putois, ça pue, quoi. Un nègre, c'est pareil. Ah ouais, un nègre, c'est terrible. Terrible. Le nègre pue, quoi. Mais. Enfin, c'est un constat objectif. Mais je pense que c'est assez. Enfin, je pense que les gens qui sont un peu honnêtes intellectuellement le savent, hein. Que le nègre pue, quand même. Alors, je pense pas que les nègres soient au courant. Je crois pas. Mais ouais. Bah, si, voilà. Je sais pas, parce que entre eux, bon. Bah, vu les tartines de Laurent qui se foutent dessus, si, il y a quand même, je pense que même eux, ça les dérange, quoi. Ah oui, c'est très juste. Ouais. Voilà. Donc là, le déodorant, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait des sacs de bonbons, hein, des bonbons. Ouais, il y avait. Du shampoing, des crevettes décortiquées. Ah ouais, elle insiste sur les crevettes, là. Ah oui, les crevettes, c'est... Mais elle va les bouffer crues, non, sûrement? Elle va les... Non? Oui, ça... On va pas savoir. En tout cas, elle va les chier, ça, c'est sûr. Avec un petit peu de dentifrice, quoi. Ah ouais. Bah non, ce qui m'a conquis, c'est que tu l'entends bouffer et souffler en même temps. Tu sais, là, c'est le truc du... Tu sais, le gros nègre, là, c'est... Tu vois? Ouais, ça me vient. J'aime bien ça, tu vois. C'est l'élégance, quoi. Ah, française, ouais. L'élégance française, la parisienne moderne. C'est ça, voilà. Alors, je ne sais pas où ça a été pris. Malheureusement, je n'ai pas eu l'information. Ça a été pris en France, ça, on est sûr. Mais est-ce que c'est en Ile-de-France ou autre, je ne sais pas. Mais bon, vu les scènes de pillage auxquelles on a assisté, il y a beaucoup de Noirs, hein, qui ont été enthousiasmés. Donc voilà, hein, bon, il y a eu des scènes similaires de Fatoumata... courant vers les Lidl pour aller les dépouiller en tenue traditionnelle. En tenue de combat. Voilà, en tenue de combat. On a vu des moukers d'Algérie s'enfuir avec, comment dirais-je, des cartons plein les mains, etc. Donc il y a eu quand même beaucoup de scènes comme ça où on a vu toute la. Oui, alors ça, tous ces gros sacs de graisse là, qui leur servent de mer à. Qui soi-disant sont censés être la bonne génération. C'était eux qui se comportaient bien. C'était l'immigration, ouais. la génération de leurs parents. Ah non, mais ils étaient respectueux, ils étaient très bien. Ils étaient très bien. Il n'y avait pas de problème. C'est après. Ça a commencé dans les années 80. C'est là. Non. Remettons les choses à leur place. Hein, ils ont 60, 70 ans. Ce sont des coupeurs de gorge, des voleurs, de tout ce que tu veux, et ça le restera jusqu'à leur mort. Hein. C'est une race de merde. Hein. Il n'y a pas eu tout à coup. Ah oui, mais on a arrêté l'assimilation. On a arrêté. Alors, du coup, c'est. Ah là, la France a abandonné. Donc il faut plus de hein, faut revenir à l'assimilation. Essayons de faire entrer les carrés dans les triangles, hein, voilà, ça va marcher, hein, c'est sûr. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai vu une interpellation aussi, c'était une belle fégore, tu sais, vraiment voilée intégralement, c'est-à-dire même le visage. C'est comme en Afghanistan, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'était sur le bord d'une route, et les voitures étaient à l'arrêt, il y avait une glissière de sécurité, il y avait les flics qui essayaient de maîtriser quelqu'un, on voit pas bien, et tout d'un coup on voit la moukère arrive à faire un bond, à sauter par-dessus la glissière et s'enfuit, et tu la vois en tenue complète, t'as l'impression que c'est un fantôme, quoi. Je veux dire, c'est quand même marrant à voir ces scènes incroyables. Donc il faut se mettre dans la tête des flics, je dis ça au sens témoin, quoi, d'être comme ça quand t'es vraiment sur place en première ligne. Et que tu vois tout d'un coup toute cette faune qui doivent voir, hein, le reste de l'année, mais dans des séquences très concentrées, très intenses, et tu les vois tous sortir un petit peu comme des comme des prédateurs attirés par la bidoche, quoi. Et tu les vois tous, tu vois tous les profils, quoi. Tu vois les wesh wesh, tu vois les voilés intégrales, tu vois les grosses négresses en boubou. Enfin, c'est fascinant, quoi, de voir ça. Et quand t'es en première ligne, comme ça, tu dois te dire, waouh, c'est des segments de démographiques tout à fait intéressants. Alors, on en voit, ça ressemble très fortement, si tu veux, à, ce qui se passe une fois par an, je crois, en Afrique. Les termites sortent de la termitière d'un coup. Donc tu es dans un nuage de termites volantes, tu vois, et puis ça vient taper partout, quoi. Et là, ben, là c'est pareil. C'est la même chose. Hein. Bah, les termites, ça bouffe tout. Et ça reste dans son coin. Hein, donc c'est pareil. Hein. Ça fait que bouffer le nègre. Et ça reste normalement. Il reste dans ses. Dans ces cases. Et là, non, là, il y a un grand moment de symptômes extériorisé. Qui est comme les termites. Il y a eu un signal qui se passe. Manifestation. Il faut porter la bonne parole. Alors, assurez-vous, hein, c'est à cause des jeux vidéo. Hein. Explication officielle d'Emmanuel Macron. Hein. Je n'invente rien. Ah d'accord. Ah il a repris le. Ah tu l'as pas entendu? Ouais non il était là conseil de sécurité. Le conseil royal 30 ans plus tard quoi. Là, ouais c'est diras, ça. Il est dans le même état mental quoi. Il a dit deux choses. Il a dit c'est les jeux vidéo et il faut que les parents reprennent en charge le problème, mais tu viens juste d'y répondre. Alors les parents. Puisque tu viens juste de le dire. Et justement dans les images, on les voyait. Et il y en a qui s'amusaient. Ils disaient oui, les parents doivent reprendre. Et là il y a les parents. Tu vois la bouquère. Elle est là en train de cavaler avec un four micro-ondes qu'elle vient de pirater. Tu sais, c'est incroyable quoi. Je veux dire, bah c'est un sketch. Ou alors t'as les parents aussi sur les motocross aussi. Oui. Oui, dont la mère de la victime, effectivement, oui, donc, en parlant donc de Naël, qui en fait est devenu. Alors Naël, Jésus. En fait. Non, c'est le, même... Jésus, le Jésus des Français. Et même au-delà de ça. Non, mieux. Il est en hashtag partout, notamment dans la presse. Et je pense que Naël est devenu synonyme de guerre raciale, en fait. Tu sais, quand t'as envie de dire des guerres raciales, tu mets Naël en hashtag. On va faire Naël. C'est ça, je suis désolé. Quand tu remplaces le hashtag Naël par guerre raciale et tu comprends tout ce que tu vois. Je suis désolé. Parce que quand tu vois bien, quoi. Naël. D'ailleurs, parce que sinon, tu comprends pas les images. Quel rapport entre les pillages hein, et je sais pas quoi, le deuil ou je sais pas quoi. Donc, la mère fait même pas d'ailleurs, puisque comme tu l'as bien dit, elle fait du motocross et elle a gagné les JO. Et, voilà. C'est des psychopathes, quoi. C'est pas l'hiver. Ah non, c'est leur culture. Enfin, c'est. Bah oui, docteur Poirot, hein, voilà, hein, l'état mental des populations nord-africaines. C'est spécial. Alors Bernard Lugan interviendrait, et dirait non, ils sont autres. Oui. Voilà, ils sont pas inférieurs, ils sont autres. Voilà, c'est ouais. Alors messieurs, poursuivons notre périple. Oui, entrons dans la guerre raciale à proprement parler, puisqu'on y est, ça y est, on peut enfin dire que nous y sommes. Nous y étions déjà cordialement, bien évidemment. Mais enfin, on a vu une flambée qui finira par s'éteindre, bien évidemment. C'est-à-dire que tôt ou tard, tous ces nègres, tous ces Arabes vont rentrer chez eux. Mais on va avoir l'occasion. Non, oui, ils vont rentrer chez eux. Enfin, chez eux, au mois d'août. Chez nous. Non, ils vont rentrer chez eux au mois d'août. Et... Ah, tu penses qu'ils ont décalé leur départ en vacances, tu crois? Je suis pas sûr. Hein. Bah, généralement, la France s'arrête au mois d'août, de toute manière. Donc, d'accord. Au mois d'août, ils seront pas là. Normalement, eux, ils partent 2-3 mois. Hein. Certains sont certainement déjà partis. Entre les arrêts maladie, enfin, les styles là. Normalement, ils passent minimum 2 mois, voire 3 mois au bled. Mm. Que ce soit les Arabes et les Nègres. Enfin, là, on va pas tarder à voir sur les. Comment dire, dans le sud de la France, on voit. sur toutes les autoroutes, tu vois des espèces de bagnoles avec chargées dedans et dehors, hein, avec des trucs sur la galerie remplis. Tu vois des frigos des fois, hein, tu vois, t'as le frigo qui, les mecs, ils partent avec un frigo en Algérie, quoi. Probablement pour l'offrir à la famille, j'imagine. Ouais, je sais pas, mais c'est... Ils sont autres. Les autoroutes ils sont autres. L'été, c'est assez marrant, quoi. La transhumance, quoi, hein. La transhumance. Bon, ça va durer quelques semaines, tout au plus, si ça se calme pas avant. Mais au mois d'août, il n'y aura plus rien. Mm-hmm. Oui. Alors, commençons par le commencement. Les fêtes. Puisque nous avons tout est parti donc de la mort de Naël, maghrébin, défavorablement connu des services de police, mais la gauche a insisté pour dire qu'il avait un casier immaculé. Ah bon, c'est intéressant. Ouais. Et non, ils ont insisté. Alors, il y a de nombreuses mentions au casier, hein, refus d'obtempérer. Il était coutumier en fait des refus d'obtempérer. Hein. Donc voilà. Donc il avait 17 ans et conduisait une Mercedes, c'est ça? Ouais, une Mercedes. Le modèle vaut 70 000 euros sur le marché. D'accord. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Oui. Mais sa mère a insisté dans une vidéo en disant que le matin même, elle lui avait donné 20 euros pour manger au McDonald's. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il raquettait même sa mère, tu vois. Ah, quel fils de pute, ça. Bah oui. Alors, donc, il est arrêté. Les gens n'ont vu que la séquence vidéo du tir. Mais en vrai, ils n'ont pas vu toute la série des événements qui ont précédé, ni qui ont suivi. Et on apprendra en fait que il roulait sans permis, qu'ils avaient demandé de s'arrêter, qu'il avait refusé, qu'ils ont finalement réussi à le bloquer parce que il a été la circulation l'a empêché de s'enfuir comme il le voulait. Les flics ont essayé de le stopper. Il a bien pris une bastos, mais il a continué à filer. Il a failli tuer au passage un cycliste et un autre passant sur sa route avant de s'encastrer quelque part un peu plus loin. Donc ça, ce sont les fêtes. Alors toi, brièvement, Derek, est-ce que parce que déjà, ça c'est le point de départ, c'est donc c'est même l'enjeu. Et je pense qu'il faut analyser un peu ça. Donc tous ceux qui réagissent disent que mais il faudrait pas que la police tire sur des fuyards. Bon, bah, de toute façon, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Il y en aura plus jamais. Hein, ils ne tireront plus jamais sur des fuyards. Alors. Mais qu'est-ce que t'en penses? Il y a eu des. Si le fuyard est blanc, peut-être, oui, effectivement. Voilà. Bon, mais on a eu des épisodes récents, parce qu'on en a même cité dans l'émission, il y a quelques mois, où par exemple, il y a un fuyard algérien, de nationalité algérienne, qui avait refusé d'obtempérer, qui était, je ne sais plus pourquoi il était recherché, peu importe. Il a essayé d'échapper à un barrage de police et sur sa route a tué un vieillard de plus de 80 ans. Et il a été condamné, à 3 ans de prison, quelque chose comme ça. Hein. On pourrait retrouver dans les archives ce drame. Mais en fait, il faut comprendre que quand même, les fuites de ces Algériens sont souvent létales. Elles sont souvent létales pour des passants ou autres. Et ouais, alors, ça, c'est tout le débat est autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai vu, avant de rentrer dans la phase des émeutes, le jour même, on a une réaction en chaîne, y compris du RN, qui se sont dit attristés de la mort du Bougnoul, etc. Parce qu'on a présenté ça comme étant un assassinat de sang-froid. Alors toi, quand tu vois la séquence, comment tu prends ça? Tu estimes que c'est que la police a raison de d'agir comme ça? Enfin, le policier ou quoi? Il le pointait avec son arme. L'autre démarre, le pousse. Moi, je pense qu'il n'a pas fait exprès de tirer. Hein. Je pense que c'est un accident. S'il faut, c'est un gauchiste qui doit pleurer parce qu'il a tué un pauvre arabe. Bref. Je pense qu'il n'a pas fait exprès. Hélas. Mm-hmm. Bah oui, non, il faudrait quand même. Non, mais toi, tu dis, voilà, les fuyards doivent être abattus, toi, t'es d'accord avec ça. Ah non, non, enfin, je m'en fous. Alors, très franchement, non, moi, je suis pas pour. Je suis très peu enclin à soutenir l'action de la police. Donc, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mmh, franchement, je m'en fous. C'est pas mon problème. D'accord. Par contre, bon, ben, un arabe meurt, ben, c'est. Oui, ben. Pourquoi faudrait-il s'en attrister, si tu veux Ouais, toi, t'es du genre, tiens, un arabe est mort, il y a un flic en tôle, je suis gagnant sur toute la ligne, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais. Moi, j'ai passé une super bonne semaine, quoi. C'est super, quoi. Voilà, un flic en prison. Un arabe, putain, à quand la prochaine? Franchement, non, mais D'accord. Donc, je vois ton analyse. Alors, je précise que le policier en question avait été remercié par le préfet l'Allemand, préfet de police de Paris, pour son zèle, lors de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Oui, non, mais c'est authentique ce que je dis. J'ai presque envie de sortir une bouteille de champagne. Tu es en train de me prendre par les sentiments. C'est vrai ce que je dis, hein. C'est pas moi qui invente ça. Donc il avait de très bons états de service, trop bons peut-être d'ailleurs, et notamment lors de la phase des Gilets jaunes, qui a valu donc les félicitations du préfet l'Allemand, qui avait en charge, en tant que préfet de police de Paris, tous ces événements. Il a été lâché aussi vite, hein, par sa hiérarchie, puisque Emmanuel Macron, le jour même, hein, a dit que c'était inexcusable et inexplicable. Donc j'ai été quand même assez intéressé par cette séquence. Pourquoi ? Ben, faut quand même rappeler deux, trois choses quand même élémentaires du point de vue du système, du point de vue de cet État, de cette Constitution. C'est pas la nôtre, on nous dit qu'on doit la respecter en toutes circonstances, hein. C'est au nom de ça qu'on nous intimide en permanence. Ben, dont acte. Alors, le président de la République française devrait être le premier à observer les lois qu'il est censé faire observer chez les autres. Et ça n'est pas le cas, puisque il a complètement violé la présomption d'innocence du policier en question, indépendamment de la séquence, etc. Enfin, j'avais déjà observé chez Macron ce goût avec l'affaire de la juive qui était morte de la vieille Knoll. C'est-à-dire que nous avions eu un individu de race noire. Il n'était pas condamné, il n'y avait pas eu de procès, non, il n'y avait rien il eu. Il était condamné avant de le procès. Quoi, si tu veux. Voilà, et c'était peu après la mort. C'est pour vous expliquer ça, je veux revenir sur ce point. Ce pauvre homme qui ne savait pas ce qu'il faisait, d'ailleurs. Ben alors, je veux revenir sur la séquence, parce qu'on est aux Invalides. Il va y avoir un discours en face du corps de Beltrame. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Beltrame, c'est autre chose. Bon, c'est autour de... Mais les Juifs ont exigé et obtenu de Macron qu'il détourne tout l'hommage à Beltrame sur la vieille Youping. Et il cède. Et devant le cercueil de Beltrame, dans les Invalides, il cite le cas de la Youping pour faire plaisir à la juiverie écumante. Et qu'est-ce qu'il dit ? Bah, il dit que l'autre est coupable d'antisémitisme. Il connaît rien du dossier, il sait pas du tout ce qui se passe, etc. Il proclame. Le problème, c'est que Macron est le premier magistrat de France. Il est garant aussi de la séparation des pouvoirs. Et il s'en fout. Alors d'accord, mais faut pas venir nous seriner avec l'imposture démocratique s'ils sont les premiers à s'en foutre. C'est ce que je veux dire. Donc en fait... Bah si tu veux, il y a le discours pour les Blancs et le discours pour les autres. Exactement. Les Arabes sont... Voilà, il y a ce qui est écrit et ce qui est... Oui, il y a le droit et la coutume, on va dire. Il y a le droit et la coutume. La coutume, c'est que les Arabes et les Nègres ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et les Juifs quand aussi. Les Juifs, non. Les Juifs, n'en parlons pas, ils sont bons. Hein, je veux dire que... C'est-à-dire, un arabe peut sortir dans la rue, il peut t'écraser, etc. Il peut te filer un coup de couteau. Tout au plus, l'enverra-t-on en prison jouer à la PlayStation pendant 4 ans. Voilà. Limite, 4 ans, c'est le maximum qu'on peut faire. Voilà, ces individus peuvent... Voilà, on a droit de vie et de mort sur chacun de notre groupe. Voilà, ça leur irait passer. Allah leur a parlé, hein, ou Jésus pour les nègres. En fait, j'ai entendu Jésus, il m'a dit ouais, il faut tuer les blancs, là. Hein, ok. Même ça sera peut-être pas 4 ans de prison, ça sera peut-être 6 mois dans une chambre avec des matelas au mur. Oui, il est déséquilibré, il n'est pas tout à fait. Oui, oui. Bah oui, ça va, oui. Enfin, bon, un nègre équilibré. Oui, voilà, oui, c'est tout le. Oui, ouais, c'est un concept assez fou. Quoi. Voilà, bon. Donc, effectivement, le fait que cet arabe, qui était manifestement. Certainement un trafiquant de drogue. Hein. Tu te promènes pas dans une bagnole à 60 000 balles. Ah oui, bien sûr, oui. Oui. À 17 ans, donc c'est-à-dire il n'a pas le permis, il conduit déjà des bagnoles comme ça. Si tu n'as pas des rentrées d'argent conséquentes, et rentrées d'argent conséquentes, c'est pas sa vieille pute de mère qui le finance. Au passage, je cite cette anecdote, c'est parmi les victimes des émeutes en banlieue, il y avait un Rabza qui était très en colère. Il montrait la photo de la voiture de son père qui était cramée en disant « Ouais, bande de bâtards, mon père, il gère une auto-école, il vous donne des permis toute l'année en trafiquant et vous cramez sa caisse !» Non, c'est juste en passant sur le permis, je me suis dit que c'était intéressant. Voilà. Voilà, juste en passant. Non, c'est le fruit de l'esclavage des blancs qui lui permet de faire ça. Donc voilà. C'est... Alors donc en tout cas, comment dirais-je, il s'est passé ce qui devait se passer. C'est-à-dire voilà, enfin comme c'est très très souvent le cas, il a fait feu. Donc il a été lâché par Macron qui viole donc un présomption d'innocence, qui prononce en fait sa sanction médiatique. Et dans la foulée. Compte tenu évidemment du rapport de force raciale, de l'émeute, etc., compte tenu de la mobilisation des juges de gauche, de la presse de gauche, et compte tenu de la prise de parole de Macron, bon, ce policier est fini, il faut quand même le comprendre, hein. Il est fini. À mon sens, il va être condamné pour homicide volontaire, et il va prendre perpétuité. À mon avis, il va prendre perpétuité. C'est ce que les juges vont... parce que l'État a peur des halogènes, et ils vont espérer qu'une peine à perpétuité... sera suffisante, etc. Bon, voilà. Enfin, de toute façon, ce flic est fini. Et ça, c'est intéressant parce que la police française se retrouve dans une situation très ambivalente, très difficile, puisqu'elle doit à la fois faire toutes les volontés du pouvoir, et ce policier-là, en l'occurrence, était connu pour son zèle, comme je l'ai dit. Oui, et se faire pisser dessus par sa hiérarchie. Voilà. C'est quand ça. Mais voilà. Mais c'est pour. Enfin, mais ça. Ben, c'est, ben... Je ne les plains pas, mais je veux dire... Non, mais c'est qu'elle, ça a toujours été comme ça, si tu veux. Oui, je sais sûr. Au moins, depuis, sur les 30 dernières années, c'est ça. Ils choisissent d'être flic. Bon, ben, ils savent, ils font, c'est comme ça. Très bien. Voilà, assumé. Alors... évidemment, il est évident, parce que pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer... Au-delà du cas précis qui nous regarde, évidemment, c'est une remise en cause de l'autorité de l'État français sur son territoire. C'est une confrontation territoriale pour l'exercice de l'autorité de l'État sur le territoire en question. En fait, donc c'est vraiment une confrontation entre ces populations dans ces zones, dans leur zone de peuplement, et la présence qu'ils considèrent comme intolérable de l'État français et pensent-ils, même si c'est pas le cas, des blancs. C'est pour ça qu'il y a un réflexe d'identification de beaucoup de gens aux flics français en disant un réflexe naturel, j'allais dire. Ils disent voilà, le blanc réfléchit comme ça, quoi. Il est contre le désordre, il veut que les choses aillent bien, que ce soit bien géré, qu'il y ait une police pour assurer. Oui. Il est voilà, mais sauf que bon, on a complètement changé d'époque, etc. On a un État vérolé. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour que ce soit géré, il faudrait un pognon de dingue, enfin qui n'existe pas, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait voilà, déjà au niveau de la production de richesse, ça stagne pas mal hein, en France. L'État se sert déjà là-dessus pour faire tourner la machine, enfin pour faire vivre tout ce petit monde tout autour. Hein. Si en plus il fallait mettre des moyens pour que les nègres et les arabes soient polis et disent merci Sidi, c'est pas possible. C'est-à-dire que au niveau budget, c'est impossible. Au niveau ressources humaines, au niveau matériel humain pour mettre ça en place, c'est pas possible non plus. Donc c'est un rêve, c'est une chimère. Il faut abandonner ça. Ça ne peut pas exister. Mais comment dire Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une remise en cause territoriale de l'autorité de l'État qui est simplement perçue comme un concurrent. Et là, avec ce meurtre, on voit bien la demande qui est sous-jacente et d'ailleurs dont Mélenchon se fait l'écho d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, parce que derrière ça, il y a quand même des réseaux de trafiquants de drogue, il y a une économie parallèle très développée, il y a une pègre afro-maghrébine très développée, et leur idée, c'est simplement de désarmer la police, en fait, de désarmer l'État français, en gros, c'est ça, quoi. Donc, par ces rapports de force, enfin, ce genre de crise-là, comme celle qu'on voit à Nanterre, l'idée, c'est d'obtenir une capitulation de l'État sur l'approche qui est la leur dans la gestion de ces territoires, etc. Et donc, de grosso modo, empêcher les flics d'utiliser leurs armes. Bon, bah, de toute façon, c'est clair que ça... C'est clair, ça fait des années, ils ne l'utilisent pas. Oui, ils ne l'utilisent pas. Et donc, déjà, si tu veux... Mais ce genre de surréaction intimide l'État. C'est ça, la réalité. C'est très bien. Ah oui, non, mais je veux dire il faut quand même comprendre on ça. On va vers le chaos, ça veut dire. Non, enfin, on va vers une confrontation territoriale, aussi à caractère ethnique et racial, et l'État français, qui est un État anti-blanc, hein, foncièrement, qui organise même l'invasion lui-même, parce que c'est lui qui délivre les titres de séjour, etc., se retrouve un peu paralysé, parce qu'à la fois il les fait venir, en même temps il veut les garder sous son contrôle, mais il refuse, plus le temps passe, moins il y arrive. Plus les autres d'ailleurs deviennent ambitieux, audacieux, provocateurs, violents et armés et puissants, et donc ils avancent leurs pions. Et cet événement-là, c'est ça. C'est en fait, voilà, on a bien vu d'ailleurs la sœur Traoré se pointer, parce que très vite la sœur Traoré s'est mise en relation avec la mère du maghrébin qui est décédé, et maintenant elle est dans la roue. Elle est dans la roue de Traoré, qui a eu le temps de créer ses réseaux, etc., à la fois dans les médias et ailleurs, qui est soutenue aux États-Unis. Hein. Je rappelle que Traoré a fait de la couverture de grands magazines américains, donc elle a vraiment un soutien bien au-delà de sa banlieue pourrie. Et à Beaumont-sur-Oise, on avait vu les mêmes scènes. C'est-à-dire qu'à Beaumont-sur-Oise, en fait, c'était un petit peu en modèle réduit ce qui se passe maintenant à l'échelle de l'Hexagone. Donc à Beaumont-sur-Oise, pareil, Adama Traoré fuit, il avait la conscience tranquille, comme vous le savez. Il y a des gendarmes qui le poursuivaient. Il tomberait de mort, mais il n'a pas été abattu. Il tomberait de mort parce que probablement il avait des problèmes de santé. Ils ont fait des expertises contre expertises, contre expertises. Ils n'ont jamais rien trouvé. Elle continue à aboyer, évidemment. Toute sa fratrie de nègres est derrière les barreaux parce que ce sont des criminels endurcis. Beaumont-sur-Oise avait transformé en véritable poudrière avec des tirs à balles réelles sur les flics, etc. Enfin, les gendarmes avaient été obligés d'être exfiltrés de cet endroit-là. Enfin, ils avaient vraiment perdu. Et là, ce qui se passe, c'est à l'échelle de l'Hexagone. Et en tout cas, au moins à l'échelle de l'Île-de-France. Parce que oui, évidemment, ça se passe partout en France, mais c'est surtout dans l'Île-de-France que ça prend un caractère systémique. Le mot est à la mode, mais ça prend un caractère systémique en raison de la densité du peuplement halogène, en raison de la densité des réseaux mafieux, des réseaux de trafic de drogue, etc. halogène. Il y a des réseaux de mosquées, des réseaux islamistes, etc. Donc ça devient trop dense pour qu'on puisse isoler le truc. Donc Beaumont-sur-Oise, c'était aussi un truc qui était négro-nègre. Donc c'était très racial, très nègre. Là, avec un arabe, c'est déjà beaucoup plus ouvert, on va dire, parce que ça peut intéresser les musulmans, ça peut intéresser les noirs qui s'identifient, ça peut intéresser quelques gauchistes. Etc. Donc voilà, ça élargit le truc. Et la bataille est perdue pour l'État français, c'est clair. En fait, les halogènes l'ont gagné avant même de l'avoir mené, pratiquement, puisque Macron a tout de suite capitulé. Il a dit voilà, mon flic, je l'abandonne. C'est inexcusable. Bon, bah alors évidemment tous les autres flics de l'Hexagone, ils disent bon bah d'accord, ok, on n'est pas soutenu, c'est même pas la peine d'y penser. Donc maintenant ils vont vraiment plus du tout faire usage de leurs armes, déjà qu'ils ne faisaient quasiment jamais usage. Donc là ils vont vraiment abandonner l'idée. Ils vont même plus même dans ces zones où ils allaient déjà pratiquement plus. Bon, bah là, c'est le résultat tangible, c'est ça, c'est que les autres sont maintenant en mesure de contrôler. Peut-être pas dans les régions, je veux dire, mais clairement dans toute l'Île-de-France, oui. Ça, c'est sûr que dans l'Île-de-France, maintenant, les autres, ils contrôlent. Et ça a été réglé très vite. Et maintenant que le chef de l'État français a dit on abandonne, bah, il peut pas. Voilà, c'est fait, quoi. Et en plus, derrière, il va y avoir la séquence, parce que ça va plus s'arrêter. Vous avez vu la séquence Adama Traoré? Bah là, c'est encore plus, avec les images et tout, je vous raconte pas. Enfin, je veux dire. Donc, on sait qu'on va avoir un épisode hyper long. Ils vont sûrement faire un truc Netflix. Enfin, c'est évident, je veux dire. Donc, les flics qui voudraient, c'est fini. Le ministère de l'Intérieur, ils vont même pas chercher à. Ils vont dire, d'accord, on s'en fout, qu'ils se démerdent. Voilà. Donc, la déliquescence est actée. Ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut dire, pour que les gens prennent bien conscience de ce qui s'est passé là, de ce moment d'inflexion, c'est la capitulation du ministère de l'Intérieur. Donc, il avait déjà capitulé pratiquement sur tout, mais là, c'est formel, c'est bon, ils disent, voilà, ok, on abandonne. Ça fait un moment que... Non, mais je veux dire, ça va invalider, je veux dire, toutes les... Ils avaient en cours une fausse loi sur les... Le ministère de l'Intérieur, mais enfin, rappelle-toi, sous Hollande, c'était même pas le ministère de l'Intérieur, c'était le président... Le président au chevet de Théo et la sa matraque magique. Oui, c'est vrai, c'était déjà ça. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que ils ont plus d'ambition, plus de moyens et ils sont plus violents et il y aura rien derrière. Donc l'appétit vient en mangeant, c'est ce que je veux dire. Et là, l'appétit vient en mangeant. Oui, bah, ça ne peut qu'aller dans un sens de cette manière. Hein, voilà. Je n'ai pas souvenir que d'avoir vu quelque part dans mon fil d'actualité qu'il y avait une inversion des flux migratoires, non. Pas des flux migratoires africains en France. Non, au contraire, ça s'intensifie. Donc voilà, donc Emmanuel Macron va accélérer l'immigration, etc. Donc voilà, donc ça, mais je pense qu'il faut bien comprendre ça, que ces zones qui étaient déjà très peu ou pas contrôlées avec les nombreuses fusillades, on l'a bien vu, hein, Nantes, Rennes, etc., comment ce qui était avant localisé à Marseille, en quelques années, un peu moins de 10 ans, est devenu presque la norme dans toutes les grandes villes françaises, évidemment va s'étendre aux villes moyennes, il n'y aura plus de freins. Parce que évidemment, vous ne pouvez pas affronter des réseaux de narcotrafiquants armés, qui déjà s'entretuent entre eux pour 2-3 balles, parce que comme vous le voyez, hein, je vais donner un exemple, mais à Rennes ou Nantes, ils s'entretuent pour des dettes d'argent ou des questions de territoire, donc eux n'hésitent pas à utiliser les armes à feu. Or, vous voyez, c'est la preuve, c'est ce qui vient de se passer là, pour la police, là, il n'y aura pratiquement plus jamais d'utilisation d'armes à feu. Voilà, il faudra vraiment que le flic se sente, c'est-à-dire qu'il soit cerné par 4 mecs surarmés, qui sont sur le point de lui tirer et encore, vous voyez. Mais grosso modo, maintenant ils ont carte blanche. Enfin, les réseaux de trafiquants dans toutes ces villes ont carte blanche pour faire ce qu'elles veulent. Les flics le savent, les narcotrafiquants le comprennent. C'est pour ça que les narcotrafiquants ont intérêt à ce que ça soit très impressionnant. Ils ont intérêt à inviter toute leur banlieue à foutre un maximum de bordel pour intimider au maximum le pouvoir politique français, le gouvernement français, pour qu'ils donnent bien les bonnes consignes aux flics qui reculent, qui abandonnent le territoire. Donc il y aura pas cette... Rappelez-vous, Castaner avait rebaptisé les ZUP, donc toutes les zones à Bougnoul, les zones de reconquête républicaine. Alors c'était grotesque, mais le terme sous-entendait... Ça a commencé, là où ça a pris de l'ampleur, c'était après l'affaire du transformateur électrique qui a cramé l'arabe et le noir. Oui, 2005, voilà. Oui. Ça a commencé là. Hein. Ça, c'était la première démonstration de force collective. Et très souvent, moi, je me rappelle, est-ce que ça va être le retour des émeutes de 2005, etc. Et pendant très longtemps, pendant 17 ans, il n'y a pas eu de retour des émeutes de 2005. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... parce que c'est pas coordonné, ça n'est pas... Il n'y a pas de commandement central dans les banlieues, forcément. Ça va dépendre, est-ce que l'ambiance est là? C'est un peu comme un orage, quoi. Est-ce que tous les paramètres sont remplis pour que ça éclate? C'est toujours pareil. Bon, mais là, c'est beaucoup plus fort. Et je crois que le truc nouveau, c'est pas le phénomène en lui-même. C'est-à-dire que c'est pas la nature. En 2005, c'était déjà la même chose. C'est le degré. Donc, ce qu'on voit maintenant, au plan territorial, est beaucoup plus étendu. Le niveau de violence est beaucoup plus fort. Mais sinon, les épisodes qu'on a vus n'ont rien de nouveau. Dans les banlieues françaises, on voit ça depuis 40 ans maintenant, depuis la fin des années 70, 1970. Donc ça fait déjà plus de 40 ans, depuis qu'il y a des halogènes en France, qu'il y a de la violence raciale, c'est évident. Depuis que l'Afrique arrive, quoi. C'est ça, exactement, l'Afrique, ouais. Et là, on devient l'Afrique. L'Afrique, c'est comme ça, du jour au lendemain, sur un truc, ça sort, ça brûle, ça... Alors, on n'a pas les machettes encore. Bon, ils ont des armes à feu, mais c'est vrai que... Il y a eu des cas qui ont été rapportés. Ils sortent, les mecs sortent. C'était des habitants qui disaient, c'était les derniers blancs, ils disaient là, non, mais là, ils sont dehors, ils ont les machettes et tout. D'accord. Ah, ouais. C'est bien. Voilà. Le groupe vit bien. Mais c'est vrai que par rapport à 2005, moi, je me rappelle des émeutes de 2005, ça a duré un mois. Bon, je sais pas, je suis pas devin, donc je sais pas, je crois pas que ça va durer un mois. Mais c'est vrai qu'en 2005, toutes les nuits, ça brûlait. Donc toutes les nuits, il y avait un concours et les médias faisaient encore un travail d'information objectif. Relativement, il y avait beaucoup de désinformation à ce moment-là, mais ils rapportaient encore des données brutes. Plus maintenant. Alors ils disaient, c'est vrai que tous les matins, ils disaient, voilà, il y a eu tant de voitures brûlées, etc. Aujourd'hui, c'est censure de guerre. D'ailleurs, vous avez vu que Darmanin et les responsables du gouvernement français ont été voir Snapchat et tous les autres, là, pour leur dire, coupez les vidéos, coupez les trucs, etc. Bref, appliquez la censure de guerre. Alors, c'est très compliqué, parce que je pense que c'est un peu un vœu pieux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir écrémer quelques contenus, mais bon, il y a quand même des trucs qui vont tourner, faut pas rêver. C'est très difficile de contrôler ça, sauf à carrément couper l'internet en intégralité sur le territoire français. Enfin, ça vous pouvez le faire, mais vous pouvez pas filtrer vraiment les plateformes. Vous pouvez couper une vidéo qui cartonne, etc. Mais bon, guerre plus. Si je pourrais avoir un regret quand même sur cette affaire, c'est que ça se passe pas un an plus tard pendant les Jeux Olympiques. Là, ça serait quand même vraiment. Il y a une différence de degré, mais par contre là, je crois que ce qui est vraiment spectaculaire maintenant, c'est que toute l'Île-de-France s'enflamme, d'accord. Et c'est vrai que c'est complètement nouveau. Caldeira. Oui, c'est vraiment, c'est-à-dire que toute la banlieue Paris, et c'est pas juste le nord, l'est, non, c'est vraiment la totalité de la région Île-de-France. Alors bien sûr, ça brûle dans des villes, dans les quartiers pourris, à Nantes, à Rennes, bien sûr, à Metz, à Lille, pareil aussi à Marseille, pareil à Lyon, bien sûr. On a vu aussi des trucs à Bordeaux, bien entendu, mais c'est encore assez circonscrit. La grande différence avec l'Île-de-France, c'est que toute la région brûle. Donc, qu'est-ce qui se passera dans quelques années quand il y aura une réitération de ça, donc dans la prochaine phase, je ne sais pas quand ce sera, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Eh bien, on aura ce qu'on voit en Île-de-France aujourd'hui dans les autres régions, à cause du phénomène d'expansion, quoi, de l'immigration. Et notamment la loi SRU, etc. Enfin, vous savez quoi, le 25% de logement social dans toutes les communes, etc. Donc, qui dit logement social dit logement racial, dit population du tiers-monde. Et donc, les gens qui sont secourus par SOS Méditerranée ou qui arrivent à Roissy-Charles-de-Gaulle grâce au ministère de l'Intérieur, donc au ministère de la Police, qui sont ensuite dirigés immédiatement vers ces logements raciaux, demain seront les émeutiers qui foutront la merde dans des communes de 3000, 4000 habitants. Hein, qui sortiront même les fusils à pompe, les kalachnikovs, y compris dans des communes de 3 à 4 000 habitants. Et il en faudra très peu pour intimider toute la population. Il faut savoir vers quoi on va. C'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'on va vers un territoire français intégralement pourri. Plus seulement des quartiers, plus simplement quelques villes. Ce sera comme l'Île-de-France, ce sera pourri partout. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, dans les images, hein, ils font des excursions au-delà de leur quartier d'origine, aussi. Ça, c'est des phénomènes assez intéressants. Ils font des descentes précises sur des cibles. Donc, voilà. Bon, c'était logique, prévisible, mais voilà. Alors, par rapport à 2005, c'est ça que je dirais. Qualitativement, il n'y a pas de changement. C'est le même phénomène. En revanche, l'intensité est très différente. C'est beaucoup plus fort. Pourquoi ? Il y a beaucoup plus d'immigrés non-blancs en France, beaucoup plus. Hein. 17 ans d'immigration massive sont là. Il y a une police... Enfin, il y a une propagande antiraciste beaucoup plus puissante. Il y a une négrification mentale des masses beaucoup plus importante, avec le phénomène du rap notamment. Hein, je veux dire, en France, les jeunes, y compris les blancs, n'écoutent que du rap, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, c'est que de la musique négroïde et arabe. Et c'est les codes culturels de la banlieue, etc. Voilà, donc le terrain est posé. J'allais dire, ils ont déjà spirituellement pris l'ascendant. Reste plus qu'à sortir les couteaux et les flingues pour prendre le pouvoir, j'ai envie de dire. Et là-dessus, bon, bah, on a cette police qui ne sait pas quoi faire, parce que bon, ils sont là, bon, ils sont dans une démocratie avec les républicains, ils ont des commissaires maçons, francs-maçons, etc. Bon, bon, qu'ils voulaient qu'ils fassent, quoi, je veux dire, il n'y a plus de cap, enfin, c'est l'anarchie, voilà, voilà ce qui se passe. Donc, c'est intéressant, donc on voit bien hein, le point de départ, l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est une question de guerre de territoire. Les flics doivent dégager des zones où sont les Maghrébins quand ils essayent de réaffirmer leur autorité, bon, émeute. Le prix est tellement lourd à payer que les autorités en place, le gouvernement, le président de la République capitulent tout de suite et disent « Ok, banco, impunité, on s'occupe pas. » Et moi, j'ai envie de te dire ça. Comparons avec Annecy. Quand on a vu un halogène planter des bébés dans des landaux filmés, je veux dire, les gens l'ont vu. Ils ont vu ça. Il y a eu quelques blancs qui ont voulu manifester leur colère. Donc Annecy est une ville qui est dirigée par un mulâtre. Hein. Donc c'est un mulâtre hein, qui dirige la commune d'Europe Écologie les Verts. Et alors, quand il y a eu quelques blancs qui ont voulu manifester le soir même, ils ont été poursuivis. C'est-à-dire que les organisateurs ont été poursuivis par Darmanin parce qu'il avait manifesté en dehors des... Voilà, voilà c'est ça. C'est-à-dire, un truc qui fait... Bon, ça rassemble... en plus, ça ne rassemblait pas grand monde. Voilà. Oui, ce qui en dit long, d'ailleurs, en soi. Ouais. Voilà, hein, c'est-à-dire, bon, ça ne rassemblait pas grand monde, et sans violence, rien du tout, hein, mais ça aurait été interdit, et puis c'était interdit, puis ça a été réprimé. Hein, Il y a eu l'arrestation donc, des organisateurs. Voilà, donc Et là, on avait dit récupération. On montre les muscles, la République, machin. Hein. Non, mais rappelle-toi, récupération, l'extrême droite, les charognards, le moment est à l'émotion. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la gauche, les intellectuels de gauche, la presse, oui. Et j'ai vu Clémentine Autain, Rousseau, présente lors du soi-disant hommage, où était présente d'ailleurs la Mounia, là, juchée sur son motocross. On avait la Rousseau et compagnie qui étaient là. Il faut que les flics rendent des comptes. Ces gens n'ont absolument aucun tabou. Et puis, ils prenaient des selfies, en plus, je veux dire. Il y avait Clémentine Autain qui était en train de poser lors de l'hommage. Enfin, ils se mettent en avant. Je veux dire, il y a un degré de cynisme absolu. C'est bizarre, alors qu'ils sont même pas... J'ai vu que Monsieur Bilongo, que tu connais, a voulu aller récupérer pour le compte de la France Insoumise un peu la galette dans sa circonscription. Les Arabes et les Noirs lui ont dit de se tirer vite fait avant qu'il soit roué de coups, hein, quand même. Bilongo, hein, le nègre, hein, je veux dire. Donc, même pour eux... Ouais, mais il a des lunettes, tu vois. Ça a été compliqué pour Bilongo. Hein. Et alors, la France Insoumise s'est pas vantée, d'ailleurs, de ça. Mais ça a été filmé, etc. Donc, on a dit à M. Bilongo de se tirer. Hein. Donc, c'est vous dire que même la France Insoumise... n'est que partiellement toléré dans ces zones-là. Hein. C'est compliqué. Mais bon, ils récupèrent à bloc et il se passe rien. Je veux dire, on voit pas le journal Le Monde s'indigner. Etc. Ok, il y a pas de récupération. C'est même pas un thème. C'est même pas un thème médiatique, la récupération. Alors que quand il y a eu quelques blancs qui se sont indignés de voir leur gamin se faire planter dans des landaux par des bougnoules, là, il fallait fermer sa gueule. Donc, vous voyez bien dans quel sens penche le pouvoir, la classe médiatique. Alors que, en plus, on nous a tanné sur... Écoutez, ils nous les font venir pour nous faire chier depuis des décennies. Bien sûr, mais je veux dire, ils nous ont tanné sur la violence d'extrême, l'ultra-droite, le machin, parce qu'il y avait des petits manivelles. Regarde, alors les bougnoules, ils crament tout. Moi, j'entends pas la presse s'indigner de l'ultra-violence, comment dirais-je, des islamistes et machin. Ils ferment tous leur gueule. Ils disent, oui, c'est l'indignation, voilà, alors c'est la colère, c'est l'injustice. Voilà, en gros, hein, voilà. Donc, ce que je veux dire, bien sûr, on le sait, on ne découvre pas. Mais c'est que ces gens-là, ils ont une hémiplégie revendiquée. Donc, en fait, ils s'en foutent quand des gosses blancs se font assassiner, ils s'en tapent. Ils ne veulent pas que les blancs se révoltent contre leur propre exploitation, leur propre esclavage. Bien sûr. Voilà, voilà. Donc, dès qu'il y a des semblants de réflexes d'autodéfense chez les blancs qui se manifestent, c'est criminalisé à la fois par la gauche radicale, par la presse du système et par l'État. Hein. Voilà, on interdit les manifestations, etc. Il est bien compris que la bête de somme blanche doit fermer sa gueule. En revanche, quand c'est les autres, on compte les points. Darmanin, on a vu les consignes, hein, ça a été publié d'ailleurs, les consignes ont été données à la police, vous approchez pas des zones. Pour les gens qui ne comprendraient pas, la police a juste ordre de faire une espèce de cordon autour des zones et de les laisser tout cramer. On ne va pas au contact, on ne cherche pas à les empêcher de commettre leur truc, on attend et on observe. C'est ça la consigne. Bon, pendant ce temps-là, moins de manifestations de droite, on intervient. Mais ce qui traduit aussi autre chose, c'est-à-dire que l'État, pourquoi l'État laisse faire ces gens-là et pourquoi il intervient contre la droite et même généralement les blancs qui veulent se défendre? Ben c'est Parce parce que qu'il les les perçoit comme couillons, faibles. Il les perçoit comme oui, ben faibles. voilà, parce que les couillons respectent, en plus, c'est con, respecte la police. Ah oui, la police, on vous aime. Oui, ben oui. Ben oui, ben, en plus, tu nous aimes, connard. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, l'État est fort avec les faibles. Et c'est pas pour s'en vanter parce que c'est assez accablant pour les blancs. Et il est fort et il est faible avec les forts. Donc en fait, la prime va au plus violent. Et c'est vrai, et c'est une vérité éternelle, c'est ce que dit Adolf Hitler dans Mein Kampf, hein. La foule se soumet au plus fort. Hein. Donc voilà, donc l'argument de l'usage de la violence, c'est du bidon, c'est du Bien bidon. sûr, bien sûr. La violence Est-ce ne que vous dérange pas. condamnez? Est-ce que vous condamnez? Nous, c'est est-ce que vous condamnez? Dès qu'il y a un truc, est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Il faut toujours condamner le moindre truc, le moindre la moindre parole qui va Ouais. qui dépasse le Bah en gros, cadre quand on dit est-ce que prévu vous par les condamnez, conneries, c'est c'est ouais. quand vous dites est-ce que vous condamnez, est-ce que vous vous coupez les couilles en direct sous nos caméras, monsieur? Est-ce que vous coupez les couilles ou pas? Oui ou non? Ouais, Oui? c'est Oui, ça, c'est ça. d'accord, je me coupe les couilles, d'accord. Ah bah d'accord, bah montrez. C'était le cas de. Enfin, maintenant, bon, plus trop parce que bon. À l'époque où il y avait Jean-Marie Le Pen au Front National, c'était ça, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait condamner le moindre truc que disait Jean-Marie Le Pen. Ouais, c'était C'était ouais. cet exercice de soumission Ouais. où tu. Voilà, où tu t'excuses d'exister, où tu dois rentrer dans le rang. Fais ta. Voilà, reste bien sage. Hein, reste bien sage. Reste à ta place. Tu restes bien à ta place. Bon, manifestement, pour avoir une influence, pour être maître de son destin, c'est pas en s'excusant d'exister et en respectant la police que ça marche. Hein, voilà, il s'agirait de prendre des leçons sur ce qui marche. Alors, justement, c'est très révélateur que la gauche assume complètement sa violence politique, et surtout la gauche radicale. C'est assez nouveau d'ailleurs, il faut le souligner. Enfin, pas historiquement, mais aujourd'hui, je veux dire, par rapport aux 40 dernières années, puisque la gauche s'était institutionnalisée, justement. Elle avait perdu son caractère révolutionnaire. Donc c'est intéressant qu'elle y retourne sous l'influence de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Alors la déclaration donc sur la chaîne parlementaire d'Alma Dutour, Alma Dutour donc, qui est une députée France insoumise, qui dit ceci: il ne se passe jamais rien sans ce rapport de force, donc sous-entendu la violence que l'on voit, la violence raciale que l'on voit dans les banlieues. Hein, la fin justifie les moyens. Vous condamnez au fond, mais la tous question ces c'est incidents ou qu'il pas? ne se passe jamais rien sans ce rapport de force. Souvenez-vous les marches organisées par le collectif Adama. Souvenez-vous, après la mort de Cédric Chouviat, il y avait une tentative de revenir sur la clé d'étranglement, les techniques d'étranglement qui avaient tué Cédric Chouviat. Le ministère de l'Intérieur a reculé à peine 3 jours après, suite aux pressions des syndicats de police. Il ne se passe jamais rien lorsqu'il y a des violences policières. La mort de Naël, Vous voulez filmée, mettre est le débat tellement choquante des qu'elle a violences embrasé policières, mais est-ce que l'opinion la fin publique. justifie les moyens? Mais la fin justifie les moyens parce qu'aujourd'hui, Vraiment. ce n'est pas un cas isolé. Alors, Derrick, d'abord, il est intéressant de voir qu'il y a une confrontation. Donc, dans la droite ligne justement de la du entre guillemets du deux poids deux mesures entre Nice entre Annecy et Nanterre avec l'ordre, mais c'était pareil avec l'affaire Lola, hein, l'intimation qui est faite aux Blancs et aux Blancs qui veulent se défendre de ne pas, entre guillemets, récupérer, donc ils n'ont pas le droit de pleurer leur mort, en réalité, hein, c'est une interdiction qui leur est faite, on les diabolise, on dit que c'est immoral de pleurer ses morts, sous-entendu, en fait, vous devriez vous-même être mort, parce que si vous pleurez vos morts, ça veut dire que vous aimeriez qu'ils soient en vie. Et si vous voulez que vos morts soient en vie, c'est peut-être que vous avez une pulsion de vie. Or, nous, de notre côté, on voudrait que vous, Blancs, soyez morts. Je crois que c'est ça le fond du discours. Donc, il y a la colère qui s'exprime contre la récupération dite de l'extrême droite. Plus largement, c'est une soif génocidaire contre les Blancs, qui s'exprime à plein poumon, par des renégats blancs qui veulent mourir, qui sont traversés par une pulsion de mort, donc qui se trouvent à gauche, la gauche blanche, et qui est bien évidemment relayé par les allogènes qui, eux, bah, évidemment, veulent conquérir le territoire, veulent affaiblir les Blancs, veulent s'emparer de leur pays. Donc, tout ça est très logique, très cohérent. Donc il y a ce deux poids deux mesures, hein, voilà, les Blancs doivent se taire, et les allogènes, au contraire, ont le droit au martyr. Et dans la structure mentale de la gauche blanche, qui a une logique de victime, parce qu'ils se pensent comme des victimes, hein, ils pensent qu'ils sont des opprimés, qu'ils sont persécutés, qu'on les empêche d'être libres, etc. C'est la logique de l'opprimé qui prévaut dans la gauche blanche. C'est pour ça qu'ils s'identifient aux métèques, aux bougnoules et aux nègres, qui sont en fait, au contraire, des bêtes féroces, qui n'ont pas du tout une logique de gauche, mais qui savent utiliser le discours victimaire pour avancer leur pion, mais qui, au contraire, sont des bêtes qui veulent affirmer leur force. Eh bien, vous avez l'appareil politique de la France insoumise qui essaye de donner de l'écho dans les institutions en place à cette guerre raciale en cours. Donc, ils prennent parti pour les allogènes, mais en plus, ils essayent de les aider au plus haut niveau, entre guillemets, des institutions. Et donc, on a cette Alma Dutour, qui est une femme blanche, hein, bien sûr, qui légitime. Elle dit, ah oui, le rapport de force, donc, donc cette guerre raciale est justifiée. Hein, est justifiée. Les mêmes qui diront ensuite la violence ultra-droite, le truc, attention, oui, ces gens sont des fascistes, le recours à la violence. Manifestation à Annecy, attention, voilà. Adolf Hitler et de retour, etc. Ce que je veux dire, c'est que pour eux, le problème n'est pas la violence en tant que telle. Pour eux, le problème c'est qui utiliserait la violence. C'est ça qu'ils veulent dire. Et ils veulent dire que les Blancs n'ont pas le droit d'être violents parce qu'ils ont vocation à être tués, et que les allogènes ont le droit d'être violents parce que, dans leur imaginaire à eux, ce sont des victimes et des opprimés, bon, on en fait ce qu'on veut, bien sûr, mais, du coup, ils ont le droit de passer à l'acte. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut bien le comprendre, c'est que la notion de justice là-dedans, parce qu'ils utilisent beaucoup ce mot de justice, qui a l'air comme ça très éthéré, très abstrait, ne veut pas du tout dire la même chose selon qui l'écoute et qui l'emploie. Eux, quand ils utilisent... Les dernières personnes qui croient encore la justice au sens de justice pour tous, ce sont ces cons de Blancs. Il n'y a plus que ces cons de Blancs pour croire que la justice doit s'appliquer de la même manière à tout le monde. Les allogènes se foutent du mot justice. Eux, quand ils utilisent le mot justice, ils veulent dire vengeance, vengeance raciale. Et ils veulent se venger. Ils ne veulent pas justice. C'est vengeance, encore faut-il qu'on leur ait fait quelque chose de mal. Mais, pour commencer. Justice, c'est conquête. Justice, c'est la conquête. Donc ouais, par justice, ils veulent simplement dire, voilà, nous avons le droit de vous infliger ce qu'on vous inflige. Nous avons des droits sur vous, nous avons des droits sur ce territoire. C'est la logique de force, la logique du conquérant. Et là, viendra après dans la logique du conquérant, la logique du butin. Ils vont demander de l'argent, on va en parler après. Oui, forcément. Bien sûr, oui, forcément. Il faut mettre les moyens. Hein, il faut mettre les moyens, voilà. Mais là, on va voir les capitulaires se présenter pour dire oui, bien sûr, évidemment. Ça, mais on a vu ça à toutes les époques, hein, les mecs qui sont prêts à capituler face à la violence. Paraît-il d'ailleurs que... Je vois des articles où on recommence à évoquer Borloo. Oui, on va y venir. Voilà. Alors, comment dire cette blanche du tour, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus sur cette femme blanche qui dit oui, la fin justifie les moyens. Alors moi j'aimerais, imaginons hein, des blancs soulevés, une rébellion blanche en France contre les institutions et Marine Le Pen qui dirait et ses députés qui diraient la fin justifie les moyens. Imaginons comme ça, juste évidemment c'est pas possible, on sait très bien que ça n'aura pas lieu, mais je veux dire par là juste pour mesurer à quel point il y a un déséquilibre dans ce qui est acceptable d'un côté par rapport à l'autre dans le champ médiatique, politique et même dans la culture ambiante, et jusqu'où va l'audace des mélenchonistes. C'est quand même assez fascinant de voir jusqu'où ils sont prêts à aller, parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. C'est ça que je veux te poser comme question. Bah, c'est... Pourquoi tu voudrais-tu qu'il reste quelque chose? C'est... Non, parce que je veux dire... C'est le porteur, quoi. Je veux dire, je voyais que pendant très longtemps, M. Enthoven, par exemple, a fait grief à M. Mélenchon de donner la main aux extrémistes, etc. Et visiblement, ça n'est plus suffisant, en fait, pour intimider M. Mélenchon. Ah ben non, mais ça marche plus. Hein. C'est effectivement... enfin, la gauche Enthoven, c'est le Parti Socialiste, peut-être. C'est... s'appelle Olivier Faure, c'est ringard. Quand il y a ce genre d'épisode de chimpanzerie générale, s'il n'y a pas un soutien de la part de ceux qui disent être les amis, hein, donc les partis socialistes, SOS Racisme, c'était eux qui ont mis les copains, les potes, voilà, la machine, tout le bordel associatif, quoi, tout le racket associatif, le blanchiment d'argent, etc. Là, on s'en souvient avec l'affaire Théo, c'était bon, bref. Mais tout ça, c'est, au bout d'un moment, c'est bien, mais quand celui qui te file des sous, il te dit quoi faire, il te dit non, mais là, c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ils aiment pas trop, quoi. Ils aiment bien qu'on leur file des sous, mais que, ben, c'est comme l'épisode du, enfin, l'anecdote du début, hein, de notre auditeur, avec le nègre qui demande des sous, mais ne vient pas voir. Oui, vient pas regarder. Ouais, ouais. Mm. Là, c'est pareil, parce qu'ils aiment pas qu'on vienne voir. Ils disent, laissez-nous tranquille. Ils disent, bon, ça va, peut-être qu'il va. Bon, ils veulent faire leur truc dans leur coin et pas avoir la supervision du type fin de race qui vient lui dire comment ça, ouais, du vieux, c'est du quoi vieux, la vie, quoi. C'est ça que j'aime bien dans la séquence, parce que je regarde les réactions sur Twitter, donc évidemment t'as des pimbèches blanches de faculté qui sont là, qui pensent exister et tout, qui essayent de pousser, t'as des trotskistes opportunistes, c'est la même chose, de Mediapart qui essayent d'alimenter Révolution Permanente, enfin les trotskars, quoi, qui essayent de mettre de l'huile sur le feu, etc. T'as un peu la gauche organisée, on va dire, mais parce que Mélenchon a recyclé beaucoup quand même de vieux partis de gauche, je veux dire, des éléments du Parti Socialiste, des éléments du Parti Communiste, des éléments de ELV et compagnie. ELV, ils sont à fond pour la guerre raciale, hein, ils s'assument. Et on voit que Mélenchon a réussi à agréger autour de lui une espèce de galaxie très composite, mais de plus en plus radicale, mais pas parce qu'elle est de plus en plus radicale qu'elle est de moins en moins populaire, en tout cas pas à ce stade. Mais il a, le terme que tu as utilisé est assez juste, c'est-à-dire qu'en fait il a ringardisé la gauche Hollande, hein, en gros, hein, la gauche socialiste, oui. Ça c'est fini, c'est terminé. On voit que Bernard Cazeneuve a essayé un retour avec la Delga en Occitanie, ça c'était très, très drôle, je veux dire, en essayant de dire non à la radicalité. Mais en fait, Mélenchon, dans son jeu là, qui joue en envoyant tous les signaux possibles dans les banlieues, je veux dire, là, c'est... Je suis désolé, les gens peuvent dire il est tricard, mais il est tricard avec les Blancs, peut-être les Boomers, mais pas du tout dans ces zones. Oui. Ben, voilà. Je veux dire, lui, il va dire, mais j'en ai rien à foutre, moi, là, pour un pauvre électeur blanc que je vais perdre, là, de 60 ans, je vais en gagner 3 ou 4 qui en ont moins de 25, que j'en ai à branler de vos trucs. Il oui, doit pas... la question, c'est même pas l'électorat, parce que bon, lui. Ah, si, ça compte quand même, ça compte. Ouais, non, mais enfin, c'est pas l'électorat immédiat. C'est, pas immédiat, non, pas immédiat. Je pense pas qu'il pense être président un jour, parce que. Il y a quand même les. Enfin, il est vieux, quel âge il a, Mélenchon 60. Quoi. 13, un truc comme ça, 14. Ouais, donc ça, déjà dans non, mais ils ont tendance à se conserver jusqu'à hyper longtemps et accéder au pouvoir, ouais, à 85 ans, ces genres de mecs là, tu vois. C'est des trucs un peu improbables, mais c'est. Il attend 10 ans, ou d'ici 10 ans, peut-être, parce que la prochaine fois, non, mais celle d'après, peut-être. Mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de semer le chaos. Ça, je pense que ça, c'est absolument clair. Oui. Ça, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Il y a une vengeance qui s'exprime, qui est personnelle, je crois. Je pense que c'est un mec qui s'estimait devoir être le maître de la France et il est frustré que ça lui ait été rendu impossible et il se venge. Non, je crois que c'est ça. Je pense qu'il est frustré d'avoir été agressé par la France quand il est. Dans son Maroc natal. Quand il a débarqué d'Algérie. Oui, c'est ça, ouais, avec des blancs. Il a été agressé avec tous ces blancs. Quoi. C'est irrespirable. C'est ça. Ouais. Et donc, depuis, il se venge. Plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris, dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. C'est ça, ouais. Mais là, donc, il envoie les signaux. Mais ça rentre en résonance et on voit qu'il y a une gauche radicale un peu écologiste, enfin, pour ce que ça vaut, mais qui aime la violence et qui essaie de se solidariser. Évidemment, les bougnoules de banlieue, ils en ont rien à branler. Mais je veux dire, tout ça s'additionne. C'est au bout d'un moment, ça s'additionne. Ça fait du chaos. Ça fait, voilà. Les soulèvements de la terre, ça, un truc comme ça. Oui. Bon, ils sont pas très nombreux, mais peu importe. Oui, mais tu as toute cette mouvance qui. Qui fait écho, qui fait résonance, quoi, en fait, en gros. Il y a, ils sont pas dans le. Oui, je condamne la violence. Pas du tout. Oula, pas du tout, non. Oula, ça c'est peut-être Marine Le Pen condamne la violence, des trucs. Ça, ouais. Ah non, Europe Écologie, ils condamnent pas la violence. Non. Interrogé d'ailleurs dans ce sens-là, Mélenchon, est-ce que vous appelez au calme, etc. Non. j'appelle à la justice. Et quand il dit ça, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tous les bougnoules entendent ça, j'appelle à la vengeance. C'est ça que ça veut dire. Il faut bien comprendre que celui qui va. Le camp politique qui va. Qui est dans l'opposition. Ouais, moi, un camp politique qui est dans l'opposition. Et qui condamne la violence, sa seule destinée, c'est de se faire violenter par l'État et par les autres. Et c'est très exactement ce qu'est la droite française. Le macronisme tient la police, donc eux, les gens qui votent Macron le savent pourquoi ils le font, pour leurs intérêts, c'est bien, hein, ils ont leur... Ils sont gagnants sur à court terme, ça c'est certain. Par contre, les opposants voilà, qui réclament de l'ordre, etc., et qui condamnent la violence, ben, eux, qu'est-ce que tu peux gagner en étant opposant et en condamnant la violence quoi. Rien, que dalle. On va poursuivre. Des choses à mentionner. Alors, les réactions de Mélenchon. Alors, tu sais, il y a eu ce communiqué de UNSA et un autre syndicat de police, Alliance, conjoint, qui ont dit qu'ils avaient affaire à des barbares, qu'il était temps, la lutte n'était pas le moment n'était pas à l'action syndicale, mais à la lutte, donc au combat, et qu'il fallait mettre un terme à l'action de ces nuisibles. C'était des propos très, très, très forts, enfin, c'était quand même très fort. Mais on sortait d'une nuit, on a vu des collègues à eux, notamment à Marseille d'ailleurs, deux policiers qui ont été sortis de leur voiture par des Arabes battus, dont un des flics a été planté à coups de surin, l'autre a eu la mâchoire cassée, donc ils sont sortis assez miraculeusement, et on entendait les bicots dire « Ouais, les Arabes, on vous encule !» Tu vois, ils étaient comme ça... Et je pense qu'ils ont vu ces images-là, et là, ils se sont dit... Ça devient problématique parce qu'au même moment, Macron avait fait sa déclaration la veille en disant c'est inexcusable. Donc la présidence de la République était aux abonnés absents, le ministère de l'Intérieur était aux abonnés absents, donc les flics étaient vraiment, en fait, sur le terrain, étaient vraiment livrés à eux-mêmes. Et en fait, ce qu'ils ont fait, et moi je l'ai compris tout à fait comme ça, ils ont menacé Macron, comme avec les gilets jaunes. Ils ont dit bon, alors c'est simple, soit vous nous donnez carte blanche pour assurer notre sécurité. Et vous nous défendez, soit on reste chez nous et on les laisse faire ce qu'ils veulent. Non, parce qu'ils ont cette option-là. Ils ont soit Macron, c'est pas qu'ils vont aller écraser les autres, mais c'est que quand les autres viennent s'en prendre aux flics, qu'ils puissent au moins un minimum se défendre. Je veux dire quand il y a une meute. Je veux dire, voilà. Mais le deal étant, laissons-les piller, parce que c'est ça en fait aujourd'hui la consigne qui est donnée par toutes les préfectures, hein, pour que les gens comprennent, parce que je suis pas sûr qu'ils comprennent tous. La consigne donnée par le gouvernement français à toutes les préfectures qui répercutent auprès de toutes les polices, c'est laissez-les piller, détruire, agresser, n'allez pas au contact. Ça, c'est la consigne. Pendant qu'ils pillent, qu'ils détruisent, vous, vous n'avez pas de contact avec eux, vous n'avez pas à vous défendre, vous n'avez pas à faire usage de vos armes. Donc, voilà, laissez-les utiliser les magasins là comme exutoire, c'est très très bien. Ça, c'est la consigne. Alors, les autres disent d'accord, mais faut pas non plus que nos gars se fassent assassiner carrément dans les rues. Donc, ils ont quand même levé la voix vis-à-vis de Macron. Ils ont dit, on a un problème, c'est que si nos flics se font tuer, on sera pas d'accord. Ça, c'est ce qu'ont dit les syndicats de policiers. Et ils ont dit, si vous refusez, si Macron refuse qu'il y ait un minimum de dureté appliquée pour au moins protéger les policiers, pas les biens, pas les gens, mais protéger au moins les policiers, ils resteraient chez eux. C'est-à-dire, on laisse tous les autres, mais aller partout où ils veulent, on n'intervient plus. Et c'est vrai que si tu joues ça comme ça, en 3-4 jours, le gouvernement français commence à s'écrouler, quoi. Parce que s'il n'y a plus de police dans les rues nulle part, on imagine la situation, c'est-à-dire que l'extrême gauche commence à s'en mêler, s'il n'y a plus de flics dans les rues, tout le monde est bien, enfin tout le monde peut faire ce qu'il veut, donc c'est là que ça devient compliqué. Ouais. Et voilà, et avec les Gilets, ils avaient fait pareil, hein. Ils avaient été voir Macron, ils dit écoute Coco, c'est simple, tu veux qu'on réprime, d'accord, mais nous on veut de l'argent. Ils avaient présenté leurs notes, ils avaient dit voilà, il y a des arriérés sur toutes les primes, les machins, tout que tu payes, tu nous fais une augmentation de salaire, Macron a dit ok banco, ça a été négocié à l'époque fin décembre, juste avant les fêtes. Il a dit banco, mois de janvier, paf, répression maximale. Et bah, je pense que ça... Alors, à mon avis, c'est plus compliqué cette fois-ci. Parce que, bon, cogner sur des blancs, ça va, c'est facile pour Macron, c'est facile pour tout le monde. Là, c'est plus compliqué. C'est quand même plus compliqué, donc je sais pas trop. Mais alors, du coup, pour en revenir à Mélenchon, l'UNSA et Alliance publient ça, qui est un... Bon, qui est... En fait... Ils prennent l'initiative parce qu'ils sentent que le gouvernement a complètement capitulé. Donc, ils disent en gros, nous, c'est simple, on va faire ça ou on va faire ça, mais on va réagir. Et là, Mélenchon réagit. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Mélenchon remet un jeton dans la machine. Et il dit ceci. Ça fait un moment. Les syndicats factieux, il a dit. Non, alors, attends, il dit ceci. Les syndicats, entre guillemets. Toi, donc, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît même pas la qualité de syndicat au syndicat de police. Les syndicats, entre guillemets, ça c'est sur Twitter, qui appellent à la guerre civile. Donc c'est extraordinaire, Mélenchon appelle lui-même, sous-entend qu'il soutient la guerre civile. Hein. Les syndicats qui appellent à la guerre civile doivent apprendre à se taire. On a vu les comportements meurtriers sur lesquels débouche ce genre de propos. Le pouvoir politique doit reprendre en main la police. Ceux qui veulent le calme ne jettent pas de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'il accuse la police d'allumer les incendies, c'est fascinant, je veux dire, alors évidemment, il sait ce qu'il fait, mais je trouve ça génial, politiquement, parce que le mec, il a compris la règle numéro un en politique, c'est que t'es à l'initiative, quand on t'accuse d'un truc, toi, t'en remets une autre couche derrière, tu dis pas, excusez-moi, truc commence pas, non, putain, t'en remets encore une couche, tu vois, bah ouais. et ça, c'est génial, parce que là, je fais abstraction de la situation du pays, du moment et tout. C'est comme ça qu'on fait en politique. C'est ça qu'on fait en politique. C'est ça. Quand l'ennemi te charge, t'en remets une deuxième couche, tu vois. Et Mélenchon ne va pas arrêter. Et là, les mecs, ils se regardent, ils disent, mais comment on va faire? Alors, je te pose la question, quand tu vois ça, toi, là, c'est plus sur le cas Mélenchon. Quand tu le vois faire, là, comme ça, clairement, prêter la main aux incendiaires, accompagner le mouvement, quasiment pousser au crime. Hier, il a fait une déclaration, je complète mon propos, en vidéo où il a dit, il a demandé aux émeutiers, donc lors des émeutes raciales, il a dit « Ne vous en prenez pas aux écoles, aux bibliothèques, aux gymnases, tout ce qui est à nous tous, qui est notre bien commun. » Sous-entendu... Pas les commissariats. Pas les commissariats, pas les magasins, pas les biens privés, pas les individus, les bagnoles. Ah, mais oui. Voilà. Donc la logique du communiste, quoi, ne cramez pas les trucs, voilà, nos petites mains, mais cramez tout le reste, en fait. Pourquoi? D'ailleurs, parce que les électeurs de Mélenchon travaillent dans ces lieux-là. Hein. Je veux dire, il faut quand même préciser ça. C'est-à-dire que les écoles sont les profs votent Mélenchon, les médiathèques et tous les conneries d'assister les MJC et tout votent Mélenchon. Donc évidemment, cramez pas ça, mais cramez tout le reste. Alors voilà, donc ça c'était le deuxième propos. Donc parce qu'à un moment donné, il était sous pression, donc il a complété son propos. Il a dit oui, vous avez raison. Cramez pas les lieux où nos gens bossent. Allez cramer les autres trucs. En gros, c'était ça. Donc, comment tu réagis face à toute la stratégie de Mélenchon, à ses prises de parole, etc. C'est excellent. Hein, c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce que c'est une logique de conquête, conquête électorale, de pari sur l'avenir. Enfin, il a compris quelle était sa cible électorale. Il a compris quels étaient ses alliés. Il a des blancs qui ont envie de crever, qui ont envie de tuer d'autres blancs pour le coup, hein, qui veulent tuer tous les vieux gauchistes, quoi. Hein. Oui, par destination. Ouais. Armes par les Arabes, armes par destination en réalité. Ouais, c'est ça. Les Arabes sont l'arme par destination de ces blancs suicidaires, quoi. C'est assez simple. Donc t'as tout ce groupe là qui a un projet et qui tient à le mettre en œuvre et le plus rapidement possible. C'est-à-dire que bon, le macronisme, c'est on fait ça dans la douceur, on prend des pépettes au passage, et puis bon, après, bon, bah ouais, on ira ailleurs, voilà, je sais pas, ils iront aimer, Macron finira en Californie, un truc comme ça, hein, avec, ou à Saint-Domingue, peut-être, je sais pas. mais... Oui, c'est bon. Bref. Mais voilà, le pari de l'avenir, c'est l'Afrique. Donc tu regardes comment ça se passe en Afrique, tu fais pareil. On fonctionne, voilà, en levant les foules, en appelant en soutenant les violences qui se font au sein de la société envers. Envers l'opposant entre guillemets, enfin, voilà, moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est à dire que tous ces halogènes visent l'État français comme l'ennemi, ils visent les mairies. Enfin, c'est ça, sans toute cette logistique de la République française, ils seraient pas là, c'est à dire que c'est la République qui est venue les chercher. Ils sont là pour. Enfin, ils accomplissent le projet, si vous voulez, le projet messianique, presque. Hein. Bon. Bon, déjà, ça, c'est. Ils sont pas. Il n'y a pas une incohérence près, mais voilà. En tout cas, Mélenchon, lui, va vers le futur. Il met en place le désordre nouveau. Le désordre nouveau. Nous, on est les partisans de l'ordre nouveau. Hein. Mélenchon, lui, c'est le désordre nouveau, c'est-à-dire l'Afrique. Quoi. Ouais, les nègres et l'islam. Hein, les nègres et l'islam, ouais. Oui, l'Afrique. L'Afrique. C'est l'Afrique. Hein, les nègres et l'islam, c'est l'Afrique. Hein. Voilà, le projet, c'est l'Afrique. Ouais, le projet, c'est l'Afrique. Le coup d'État, le ci, le là, enfin, c'est... Voilà, le racket, le coupage de route, et puis je t'achète une élection, et ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, oui, on y est. Voilà, enfin, d'ailleurs, puisque tu parlais de... Est-ce que tu as vu cette blanche éplorée, très grosse, très obèse, dont on avait brûlé la maison pour tous, la MJC? Elle était éplorée parce qu'elle avait passé sa vie à aider les jeunes, comme elle dit, hein. Donc, les jeunes. Le jeunistan, quoi. Et, on va l'écouter quand même, parce que pour cette énorme vache blanche, votant Mélenchon, il y a certainement 2 jours devant son poste de télévision, elle devait insulter les fachos, en disant que, en croyant que la police républicaine, tu vois, de Macron était la police de Pétain. Que c'était des salauds et qui devaient payer. Bah oui, non, c'est une blague, bien sûr, mais dans leur esprit, c'est ça. C'est-à-dire que eux, ils vivent sur. C'était la SS, même. C'était la SS. Ils vivent sur une autre planète, hein, quand même. Faut bien comprendre. Les gauchistes sont fous. Ah oui, bah oui. Et donc, la grosse est venue, et tu vois, les flammes sont venues. Lui, tu vois, bah, c'est un peu, hein, ça aurait fait, hein, franchement, hein, sur une belle broche, elle aurait eu de l'allure. Ah oui. Ah oui, elle aurait eu de l'allure, la grosse. On l'écoute et on se retrouve. Cet après-midi, devant la carcasse encore fumante de cette maison de quartier de Troyes, cet ancien employé est totalement désemparé. Et je travaille dans les maisons de quartier pour les jeunes, pour le public, pour les gens, pour les jeunes, pour les gamins. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne comprends pas. Je j'arrive pas à comprendre là, c'est trop. Tout ce qui représente l'État est visé, tourné en dérision. À Fleury-les-Aubrais et à Reims, certains réussissent à s'emparer de tenues de police. Ils narguent ceux qu'ils affrontent depuis plusieurs jours. Même dans des petites communes, des locaux de police municipale sont incendiés. Alors, donc, la grosse blanche, hein, voilà, donc elle a passé sa vie, en fait, à cramer l'argent des blancs. Je comprends pas. Alors, il faut savoir, alors le faciès, décris un peu ça, Derek, décris-moi un peu le faciès. Le faciès est rond. On dirait que le visage a été enveloppé dans une écharpe, enfin, il y a une écharpe. Qui lui enveloppe toute la tête en faisant plusieurs tours, mais c'est une écharpe de lard. ça c'est pour placer la forme du visage. Et après, il y a les yeux. Le visage en lui-même. Et particulièrement les yeux, c'est-à-dire que l'animal est tellement rempli de gras, c'est tellement injecté de gras partout. Gonflé. Que les yeux s'en trouvent plissés oui. par la graisse, par le haut et par le bas. Oui. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Tout le reste du visage est uniformément. C'est sphérique. Quoi. Elle ressemble un peu à Jabba the Hutt. Ah oui, bah beaucoup. Hein, tu vois beaucoup. Mais c'est rond. Hein. Elle a un visage porcin, si tu fais gaffe. C'est un visage porcin, exactement. Ouais. C'est hard. Et là, bon, je suppose que c'est ce genre de d'individu qui nous pousse, qui nous invite à la sobriété heureuse. C'est, oui, oula, oui. Entre, moins d'énergie, voilà. Mais est-ce qu'elle pleure parce qu'on a cramé sa MJC de merde où il y avait que des bougnoules et des nègres? Ou parce qu'on a cramé son putain de Aldi où elle allait acheter du mauvais cochon et de la mauvaise bière? Ah, ça, je sais pas. Où est vraiment le deuil, Derek? Je te pose la question. Où est le deuil? Peut-être qu'elle n'a pas. Ou alors elle pleure simplement parce qu'elle n'a pas trouvé de bonbons. Ça, c'est... Contrairement à Fatoumata, peut-être. Fatoumata a trouvé des bonbons. Ouais. Fatoumata a trouvé. Alors parlons un peu des juifs. Ah! La rubrique Les sales juifs de la semaine. Alors, triste journée que celle-ci, avec la mort de Naël hier. Tué par un gendarme, on voit dans les vidéos. Je vous parle ici parce que je commence à recevoir des demandes d'interview et je sens que si je mets la main dedans. Et ça fait, c'est pas la première fois qu'on me le demande, à chaque fois qu'il y a une bavure, évidemment, la haine est remise au goût du jour. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et là, ça devient, c'est marrant parce que la haine est un film qui n'est pas un petit film obscur, c'est un film qui fait partie de notre culture maintenant, qui fait partie de ce que nous sommes. Vince, Hubert, Saïd, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs, c'est nos enfants maintenant. On est devenus des adultes et maintenant ça c'est nos enfants. Et que ce monde de 17 ans, 30 ans après, que je fais la référence à la haine parce que c'est le moment où on a commencé à parler de ces bavures policières et tout le monde a appris beaucoup de choses. Mais apparemment il y a des gens qui n'ont toujours pas compris à qui ils ont affaire et qui sont ces jeunes en face, que c'est des fils, c'est pas des voyous, c'est pas des criminels. Ils ont pas d'armes. Alors, notre ami Kassovitz est éploré. Qu'est-ce que tu en penses de notre ami Kassovitz, cher Derek, dans ce moment crucial? Lui aussi, hein, on sent que... Bon, c'est tout le... C'est l'âme éternelle du juif qui s'exprime, quoi. Hein. C'est, un arabe est mort, c'est, c'est, c'est, c'est, C'est un drame. Ça dépend où. Oui, ça dépend où. Un arabe mort en France, c'est un drame. En Israël, moins. En France, c'est... je pleure. Mais un type se fait... c'était quoi? Le fait divers, c'était... À Bayonne. À Bayonne. Un chauffeur de bus ouais. Fait, par de Rabza, ouais. Ouais, battu à mort, ouais. Oui, qui s'était fait battre à mort. Non, mais il avait eu l'audace de, c'était en présence de la veuve, hein. C'était en présence de la veuve, hein. C'est pas juste comme ça, en passant. Il la regarde, hein. Je suis désolé, madame. Donc, évidemment, ça veut dire je suis pas désolé. Et il la regarde, mais c'est juste un fait divers. Mathieu Kassovitz, vous, je l'ai dit en introduction, vous êtes très sensible à la question des violences de la police, vous êtes sensible à la défense des minorités, mais est-ce que par ailleurs, vous observez vous aussi un changement dans la violence, un changement dans la délinquance ces dernières années? À Vincennes, là où je vis, c'est pas trop dangereux. J'ai pas vu. Non, j'ai une vie différente maintenant de ce que je vivais avant, donc je suis pas la bonne personne à qui parler pour l'instant. Je suis là pour écouter. Je suis assez surpris pour l'instant, mais j'attends de voir comment ça évolue. Qu'est-ce qui vous surprend? J'ai l'impression d'être La parole est libre ici. J'ai l'impression d'être en 1990. C'est la seule règle, mais la parole est libre. Hein. J'ai l'impression d'être en 1990. J'ai l'impression d'avoir déjà juste eu. Juste avant la réalisation de la haine. J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette conversation et de l'avoir vue à la télé des centaines de milliers de fois. Et vous n'avez pas l'impression que ça évolue quand même? Vous n'avez pas l'impression Pas dans les médias, non. Pas dans les médias, non. C'est-à-dire? Je suis désolé, madame, parce que. Vous avez perdu un mari et vos filles qui regardent à la télé. J'ai du mal à parler à côté de vous, mais vous avez ouvert, en fait, vous parlez, tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Et je suis encore désolé de parler de ça. Je suis désolé. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Parce que la société est faite comme ça. Et ouais, j'ai l'impression que c'est les années 90. Alors moi aussi, j'ai vachement l'impression que c'est les années 90, en fait, tout ce que je vois là. C'est-à-dire que oui, les bougnoules, depuis qu'ils sont là, ils crament tout, il n'y a rien de nouveau, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Mais Kassovitz, il est là, il gémit. Mais je me rappelle, moi, de Kassovitz, quand il est allé en Ukraine en début d'année, il était sur BFM TV, il a dit « Non mais en fait... il y a un bon nationalisme, en fait. non, je te jure, non, mais il a parlé comme ça !» Et on a très vite compris qu'on avait affaire à des gens qui étaient ultra-nationalistes dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur pays et ils veulent le protéger absolument. Et les Russes n'arriveront pas au bout, parce qu'on a un vrai pays uni, et vous le ressentez aussi, qui est complètement uni, il n'y a plus aucune divergence politique ou quoi que ce soit, tout le monde est uni autour de Zelensky, autour du pays, autour du cœur ukrainien, c'est absolument magnifique. Non, il y a un bon nationalisme en Ukraine, ils ont raison, en fait, voilà, c'est parce que mon cousin Zelensky tient la boutique, ça va, c'est cool, quoi. Voilà, donc tu vois, en Ukraine, c'est le bon nationalisme, là, tu peux y aller à fond, et tout, vas-y, c'est bon, c'est cool. Défends ton territoire, voilà, parce que j'ai mon cousin aux commandes, là. Et en France, non, putain, voilà, toi, donc t'as un blanc qui s'est fait assassiner par des bougnoules, qui viennent de, il devrait même pas être là en premier lieu, tu sais, mais... Ah, non, mais c'est un fait divers, voilà, ça a toujours existé, c'est comme ça, là, on va pas non plus en faire un roman. Et là, il y a un bico qui est mort, et toi, il est là devant sa caméra, t'sais. Faut rappeler que c'est un acteur, à l'origine. Avec son nez, là. Voilà, son gros nez, ouais. Mais sa protubérance nasale, c'est j'ai sursauté, moi. J'ai reculé quand j'ai vu. Plus le temps passe, plus il a une tête de rabbin. Ah oui, oui. C'est... Puis avec la barbe, c'est dégueulasse, là, tu sais. T'as plus qu'à lui mettre là les papillotes, et c'est bon, hein. C'est le ghetto, quoi. Il a la tête, hein, lui. Il a la tête. Alors, par contre, il faut préciser, il vit à Vincennes. Hein. Il vit pas en banlieue, quoi. Hein. Faut que les gens le sachent, hein, je veux dire. Voilà, alors donc, voilà, la commisération obligatoire. Il est là, non, mais les gens appellent et tout, les médias m'appellent pour que je vienne commenter. Imaginez, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, en fait, bon, il y a la situation actuelle, et les médias français sont omnubilés par une seule chose. Comment inviter un juif pour pleurer sur les bougnoules et les nègres qui mettent le feu à toute la France, tu vois, grosso modo, quoi. C'est extraordinaire. Bon, en même temps, les médias français, c'est ses cousins, donc c'est la famille, hein. Voilà. Alors je voulais compléter parce que en fait, il y a trop de juifs en France déjà. Bon, déjà ça. Ce sont des immigrés comme les autres, hein, les juifs. Hein, je viens de le rappeler quand même. Hein. Ils incendient, oui. Mais différemment. C'est-à-dire que Mokhtar et Mamadou, ils sont cons comme des meules. Donc eux, ils allument avec leurs briquets, leurs trucs. Bon, mais le juif, lui, il est un peu plus malin. Lui, il incendie avec son influence qu'il exerce dans les médias. Donc lui, il pousse au meurtre, à l'assassinat, au crime. Déjà, il arrive. Il vient chez toi. Il vient avec des bons bidons d'essence et puis il en fout partout. Oui. Et puis après, bon, il dit tiens, toi là, viens, vas-y, prends ce briquet. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, oui, en fait, il veut. Non, mais c'est ça. Et en fait, quand il a brûlé tes enfants, et t'es là, tu dis oui, j'ai mes enfants été brûlés. Oui, mais c'est un fait divers. Ça a toujours existé, ça. Ouais, c'est de tout temps, les gens brûlent, hein, les amalécites. Bon. Ah, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. C'est de tout temps, les gens ont brûlé. Y compris. Ben non, mais moi, malheureusement, non. Quoi. Oui. Et donc, non, mais quand les gens comprennent. Donc, en fait, dans le cas de Kassovitz, qu'est-ce qui se passe? Le parasite juif, sémite, venu de son Levant, se greffe en France, enfin, sur un pays arien, fait venir des halogènes, utilise les halogènes comme auxiliaires dans sa guerre contre les autochtones pour les racketter et affermir son pouvoir. C'est ça le cinéma juif. Donc la fausse commisération du juif Kassovitz sur le cas de cet arabe et le cœur de pierre qu'il affecte de montrer quand c'est un blanc qui est victime, c'est ça. Et tous les juifs sont comme ça. C'est une stratégie de survie que le juif adopte en toutes circonstances. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc ils prennent ce biais-là. Et en plus, ils jouent en meute, hein, parce que tu peux avoir ensuite des juifs, tu vois, à droite, notamment à CNews. Hein. Il y a Julien Drey, j'ai vu. Julien Drey est déchaîné sur CNews en ce moment. Il est déchaîné, quoi. Le mec a fondé SOS Racisme, et là on l'interroge sur la... CNews l'interroge sur la violence dans les banlieues. Je sais pas s'il imagine le truc, quand même, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, le mec a créé le système, tu vois, avec Attali et Bernard-Henri Lévy dans les années 80 avec le Parti Socialiste. Ouais. Ils ont créé le dispositif actuel. C'est eux qui ont tout créé. Là, il est sur CNews, tu vois, la chaîne de droite, machin. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous sentez? Ah oui, effectivement, je pense que là, il y a... Bon, attention, hein, mais je crois que le phénomène nouveau, et c'est ça qu'il a dit, là, le phénomène nouveau, c'est que maintenant, ils ont des armes à feu. Tu vois? Genre, putain, le truc, quoi. Tu sais, le mec, il voit rien, quoi. Tu sais, donc, t'as le cousin Drake qui est sur CNews, ça, machin, et là, t'as Kassovitz, il est là, tu vois. Puis t'as le petit Zemmour, il est en haut, il est là, j'aime les blancs. Il y a la CNAFO derrière, attention, il faut filtrer, attention, réaction, quoi. Faut que ça reste entre nous, quoi. Ouais, t'en fais pas, ça va pas aller trop loin, non plus. Voilà. Tu sais, ils sont partout. Ils ont complètement, tu sais, c'est comme la mafia, quoi. Ils ont cornerisé tout le marché, ils sont là, ding, ding, ding. Et tu sais, toi, t'es la boule de billard. C'est le blanc, c'est le gaulois, c'est la boule de billard. T'es là. Il a ping, ping, ping, ping, ping, ping. À chaque fois, il bute sur un juif, tu vois. Hop, il tape dans une bande, c'est un juif, quoi. Ping, ping, ping, ping. Gauche, centre droit, extrême droite. Ping, ping, ping, que des juifs, quoi. Il n'arrive pas à échapper au truc. Je trouve ça fascinant. Alors. Je voulais quand même terminer avec Vivorka, un des autres intellectuels qui a pensé justement tout ce dispositif d'aide sociale, de politique de la politique de la ville. Bon, alors, ça c'est encore des néologismes socialistes mis en place par Mitterrand, donc les juifs autour de Mitterrand, hein, vous connaissez ça. Mais qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire que la politique de la ville, qu'est-ce que ça veut dire, qu'on va aider la ville? Tu sais, quand tu lis le truc, tu comprends pas bien. Ouais, tu vois, on va aider la ville, et la ville est violente. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, on sait pas trop. Violence urbaine. Arrêtons-nous là-dessus sur ce concept de violence urbaine, peut-être, oui. Bah oui, les violences urbaines, tu es attaqué par les arbres dans la rue, par les bancs, par les murs, voilà, les murs, les passages cloutés aussi. La ville t'attaque. La ville t'attaque. Il y a des violences urbaines. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est de la nouvelle langue, hein, violence urbaine, c'est comme quartier populaire, c'est, hein, c'est la même chose, hein. Voilà, oui, non, ouais, c'est même pas ça, c'est, enfin, oui, à la limite, pourquoi, quartier populaire, oui, c'est déjà. Non, mais attention, je veux dire, ça colonise le champ sémantique, parce que j'ai vu dans le commentaire de le communiqué officiel de Darmanin sur la situation, il reprend l'expression quartier populaire. Or, il y a 20 ans, quartier populaire, c'était une expression qui était utilisée, mais même pas par le Parti Socialiste, qui était utilisée par les trotskistes du NPA, enfin vraiment les marges trotskistes de l'extrême gauche. Ça s'infuse. Ça colonise. Donc les quartiers populaires, il faut bien comprendre, c'est une expression qui vient de l'extrême gauche, qui a été reprise par le champ mainstream pour en fait décrire les zones de peuplement ethnique. Voilà, pour décrire totalement l'inverse, pour décrire les quartiers où le peuple n'est pas. Ouais, voilà. Non, voilà. Là c'est encore plus absurde, c'est-à-dire que on parle de quelque chose qui n'a aucun sens. Violence urbaine, ça n'a pas de sens. Français, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est pas français, violence urbaine. Donc il faut appeler la chose par son nom. Il faut décrire la chose telle qu'elle est. C'est une émeute raciale. Il y a des émeutes raciales. Si vous voyez, voilà. Je te coupe encore, c'est que la presse française n'a aucun tabou à utiliser cette expression pour les États-Unis. Oui, forcément. C'est ça. Mais là, il y a un imaginaire quand même. Ça veut dire que la presse est capable de penser la race. C'est-à-dire que les journalistes de gauche sont capables de penser la race. Mais à condition que ça vienne des États-Unis. Comme s'il n'y avait qu'aux États-Unis qu'on pouvait penser la race. Tu vas dire, ah oui, non, mais aux États-Unis, il y a une question raciale. Aux États-Unis, il y a une question raciale. En France, il n'y a pas de question raciale. Ben non, parce que je te rappelle qu'il n'y a pas le mot race dans la Constitution. On l'a levé. Donc ça n'existe pas. Enfin, voilà, c'est. À la demande, à l'exigence de M. Mélenchon, je te rappelle. Oui. Bref. Mais express. C'est M. Mélenchon en personne qui a dit enlever ce mot de la Constitution. Évidemment, tout le monde s'est couché. Voilà, donc le vieux émeute raciale, ça peut exister aux États-Unis, mais en France, non, ça n'existe pas. Donc, si vous avez du temps à perdre, que vous avez encore des comptes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à propager le terme émeute raciale. Hein, c'est pas, mais en fait, il faut systématiquement reprendre. Il faut le rappeler. Non, ce ne sont pas des violences urbaines. Je veux rappeler que les violences urbaines, ça n'existe pas. On n'est pas attaqué par la ville. On n'est pas attaqué par la ville, on est attaqué. Enfin, il y a des violences qui sont des violences faites, commises par des individus qui sont identifiés racialement et qui font des émeutes contre un ennemi qu'ils identifient aussi racialement. Donc ce sont des émeutes raciales. De A à Z. Hein, non, mais je pense que nos auditeurs doivent comprendre ça, et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. La sémantique. C'est-à-dire que ne capitulez pas là-dessus, ne laissez pas passer. Parce que la gauche l'a bien compris, l'extrême gauche l'a bien compris. Vous voyez, quand ils insistent sur les quartiers populaires, etc., alors qu'ils mentent, ils mentent. C'est-à-dire que nous, on dit la vérité, eux, ils mentent. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'eux n'hésitent pas un instant à jouer sur le terrain de la sémantique en arrivant avec leur néologisme ou leur mot lénifiant, donc quartier populaire pour décrire des quartiers ethniques remplacés où il n'y a plus un blanc, où les blancs ont été évincés, en sont chassés. Donc ce sont des quartiers ethniques et ils vont dire le quartier populaire pour faire basculer la discussion du domaine racial au domaine social, comme si c'était une question de revenu. Vous voyez, c'est Victor Hugo, c'est Émile Zola, tu vois, les pauvres sont persécutés par un pouvoir riche, oppresseur. Mais c'est pas ça la question. On voit bien, c'est la chasse aux blancs, point barre, peu importe son revenu. Et c'est à nous aussi de contre-attaquer avec nos propres termes. Mais le pire, c'est qu'eux-mêmes les reconnaissent, parce que comme on l'a dit, aux États-Unis, ils n'hésitent pas à utiliser ce type d'expression, même dans la presse mainstream en France. Donc ils connaissent l'expression, ils sont même d'accord de la reconnaître, mais bizarrement, ils ne refusent de s'appliquer dans l'Hexagone. Pourquoi ? Il ne faut pas hésiter à les confronter par rapport à ça, confronter les journalistes, confronter les gauchistes, confronter les agitateurs de tous les types. Il faut sommer de répondre. Oui, voilà, et il faut absolument, je dis bien absolument, c'est même pas négocier, c'est pas un peu, s'il vous plaît, essayer. Non, c'est des émeutes raciales, et il faut absolument le marteler. Ce sont des émeutes raciales, et ça ne sont que des émeutes raciales. D'accord ? Il n'y a pas de quartier populaire en France, il y a des enclaves ethniques, des enclaves afro-musulmanes. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de quartier populaire, il y a des enclaves ethniques, des enclaves grands remplacés. Voilà, ça existe, ça on comprend, ça on sait ce que c'est factuel. Il n'y a pas de quartier populaire, c'est pas vrai. Ou alors quand on parle de quartier populaire, ce sont des quartiers où il y a des blancs pauvres qui vivent, ça je veux bien entendre, mais c'est pas ce dont il s'agit. De la même manière, parce que je soupçonne qu'ils arrivent au bout d'un moment avec leur truc, non mais en France, il faut attention, parce que quand ils vont voir que des gens critiquent vont se mobiliser en disant, vous avez vu, c'est la conséquence de l'immigration. Ils vont dire, non, c'est pas une question ethnique, c'est pas une question raciale, c'est une question sociale. Ils vont arriver là-dessus, etc. Il faut être déjà prêt à répondre, non, c'est pas une question sociale, c'est une question raciale, c'est pas une question de revenus, c'est une question raciale. D'ailleurs, la preuve en est, Macron parle de ses jeux vidéo, excusez-moi, il y a plein de pays où on joue aux jeux vidéo, les gens se mettent pas à descendre dans la rue pour tuer tout le monde, hein, je veux dire, ou tout cramer. Donc, faut arrêter avec ce truc. Il va falloir les disquer. Parce qu'ils vont essayer, ils vont nous faire ce qu'ils ont fait en 2005. Là, je lance. Parce qu'on a l'expérience. Il y a plein de pays où il n'y a pas les jeux vidéo, et puis. Il n'y a pas de nègres non plus, tu me diras. Non, et où ça crame. Ça s'appelle les nègres, ça s'appelle l'Afrique. Voilà. Enfin, Absolument. Donc, alors, le jeu vidéo là-dedans est nul, quoi. Il y a aucune corrélation. Je suis un peu déçu quand même parce que la semaine dernière, on m'avait promis une guerre civile en Russie, puis on se retrouve avec une guerre civile en France. Quoi. C'est quand même assez surprenant. Non, mais c'est étonnant, tu vois. Je veux dire, moi, je voyais le Quai d'Orsay. Ils étaient en train de commenter Wagner. Wagner, en gros, ils ont fait un tour en 4x4, quoi. En gros, quoi. Bon, ça a tiré un peu, c'était mignon, quoi. En gros, il y a eu un hélicoptère qui s'est crashé. Donc, bon, ok. Bon, ça s'est terminé dans la soirée, d'accord. Là, tu regardes la France, tu dis qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Enfin, le monde entier regarde la France. Non, ça va, c'est cool, c'est normal en démocratie. La République va gagner. Oui, la République va gagner. Oui. D'ailleurs, brièvement, avant de revenir à mon juif Ivorka, Darmanin est partiellement d'origine juive aussi, je le rappelle, et algérienne aussi. Aujourd'hui, on enregistre, nous sommes samedi pour changer. Donc on est samedi soir, donc là on commente la nuit de vendredi à samedi. Évidemment, nos auditeurs, quand ils écouteront l'émission, ils auront un recul bien plus grand sur les événements. Mais il a dit, voilà, ça se calme. Donc sous-entendu, le pic a été atteint dans la nuit de jeudi à vendredi, et dans la nuit de vendredi à samedi, ça se calmait déjà. Donc ce qui voudrait dire que dans la nuit de samedi à dimanche, ça sera raisonnablement calme. Alors on n'est pas là, je vais pas te demander qu'est-ce qui va en être, Derek, qu'est-ce qui va se passer. Tu n'en sais rien, je n'en sais rien. Mais est-ce que tu as eu l'impression, toi, que quand Darmanin a dit, machin, c'est bon, le pire est passé, est-ce que quand tu as vu les images, tu as eu l'impression que le pire était passé ou au contraire, c'était aussi violent quoi. Tu t'es dit, non, c'est bon, l'affaire est soldée. Je pense que ça ne... Enfin, il n'y a rien... Enfin, ça reste sur une intensité qui est... grosso modo la même quoi, hein. j'ai pas vu des événements rapportés aux différentes nuits, ça a l'air, dans le nombre et dans l'intensité, ça a l'air relativement stable. Alors le juif Ivorka, donc vraiment un des idéologues juifs du socialisme, de la gauche. Comment traiter la question immigrée? Donc, ceux qui les ont fait venir chez vous vont vous expliquer comment les gérer. Et il interpelle le président de la République sur Twitter. Alors, monsieur Macron, content d'avoir rejeté le plan Borloo et traité son auteur de façon quelque peu méprisante? Les tensions actuelles auraient certainement été évitées et nos quartiers populaires iraient vraisemblablement mieux si vous lui aviez fait confiance. Alors, c'est quand même le mec qui a théorisé tout le pognon qu'on donne aux bougnoules pour refaire leur quartier. Tu sais, je veux dire, donnons-leur du fric, ça va bien se passer, c'est une question sociale. Donc, le mec arrive, et tu vois, donc tout brûle. C'est-à-dire que tu leur construis des MJC, tu refais... Rappelle-toi quand ils avaient brûlé le cirque, là, en banlieue parisienne, là. Ils avaient brûlé le cirque, on ne sait pas pourquoi. Et on avait parlé de la réfection du quartier, c'était dans les Hauts-de-Seine, hein, avec Bédier et tout, je crois. Et je crois que en tout et pour tout, le contribuable avait passé 400 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, 400 millions d'euros sur ce seul quartier. Un quartier! Pas le département, hein! Que les gens se méprennent pas sur ce que je dis, hein. 400 millions d'euros sur un quartier. Ils avaient tout brûlé. Donc, voilà. Donc, on en a fait je ne sais pas combien parce qu'ils disent, tous les gens qui essaient de mesurer la politique de la ville en disant, voilà, ça a coûté tant sur 40 ans. En réalité, on ne sait pas. Parce qu'il y a tellement de corruption, on ne sait pas. Ce sont des volumes énormes, mais on ne sait pas. Donc, Ivorka, ça a été un des idéologues de ça. Et là, il arrive, donc tout crame, en fait, tout brûle, tout, c'est-à-dire que 40 ans plus tard, tout est pire. Tout est absolument pire. Les critères objectifs, on fait abstraction de l'extrême droite, de tout ce que nous disons sur les questions raciales ou quoi. On oublie complètement ça et on regarde juste ce qui se passe sur le terrain. Tout crame. Il n'y a jamais eu autant de MJC, d'installations sportives, d'associations, d'argent envoyé vers ces zones-là. D'emplois réservés, parce que vous savez qu'il y a ça aussi. Par exemple, je le dis souvent, mais l'aéroport Charles de Gaulle, c'est une grande source d'emploi dans le 93. Oui, pour l'islamisme. Oui, d'ailleurs, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on recrute uniquement les gens du coin. Enfin, pour donner du boulot aux Maghrébins, aux Noirs, etc., du secteur. Donc, il y a des emplois réservés, etc. Donc, présenter la France comme un pays qui ségrégerait de manière très active les halogènes, c'est absolument faux. Enfin, je veux dire, au niveau de l'État, c'est absolument faux. Donc, tout crame, alors qu'ils n'ont jamais autant reçu. Et là, le mec arrive, tu vois, avec son petit tweet. « Ah non, monsieur Macron, comme ça, on n'a pas voulu donner des sous. On n'a pas voulu donner des sous avec monsieur Borloo. Comment ça se fait, ça ?» Voilà, et voilà, voilà. Alors, le plan Borloo était extraordinairement ambitieux. Ah oui, mais il y avait des milliards et des milliards, ça. Le plan Borloo prévoyait 48 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 50 milliards d'euros pour les banlieues. Hein. Il fallait tout refaire, etc. Donc, en plus de tout ce qu'on avait fait. Donc, voilà, le juif Ivorka dit « Alors, monsieur Macron, on n'a pas voulu lâcher les 50 milliards, là, les 50 milliards pour les Arabes et les Noirs, de la poche des Blancs, on n'a pas voulu lâcher, monsieur Macron. Bah, vous récoltez ce que vous avez semé. » Ça, c'est très à la mode, cette expression. Vous récoltez ce que vous semez. Je pense beaucoup à Bruce Toussaint, ce moment-là, tu vois. Vous récoltez ce que vous avez semé, tu vois. Ah, t'as pas voulu payer. J'ai pas suivi. Oui, bah, il a dit ça à Zemmour, en fait, quand il s'est pointé à Brest et que des antifas ont voulu ont foutu en l'air l'hôtel, tabassé les gens qui passaient, etc. Et Bruce Toussaint, sur BFM, lui dit, mais vous récoltez ce que vous semez, non? Tu vois, c'était... Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais lui, ouais, ça, le gros. Cul, hein, tu vois, le gros. Ah, là. Lui, il est... Oui, oui, c'est cette petite merde. Il pense sûrement. Bref. Ouais, avec son petit sourire narquois. Oui, oui, toujours. Alors attention au sourire narquois, des fois, ça joue des tours. 48 milliards, voilà. Alors le juif Ivorka dit que si les Blancs avaient lâché 48 milliards, bah, finalement, les Arabes et les Noirs, enfin, ils se seraient enfin comportés normalement. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Derek? T'es convaincu par l'argumentaire de M. Ivorka ou pas? Alors, pas tout à fait. Moi, je suis convaincu que ça se serait bien passé uniquement si effectivement il y avait eu ces 48 milliards pour la cohésion sociale, hein, n'est-ce pas, et qu'en même temps dans une optique de réparation, nous avions aussi souscrit au plan Borloo pour l'électrification de l'Afrique, oui, qui était lui de 200 milliards. Oui, donc c'est 200... vrai, voilà, voilà. Donc en fait, ça, tout, si nous avions écouté M. Borloo, pour 248 milliards d'euros, nous aurions nécessairement eu la paix. Voilà. Quel est le prix de la paix? 248 milliards. C'est vrai, tu as raison de reparler de ce plan pour l'électrification de l'Afrique, auquel il fallait ajouter le plan pour créer une très grande ligne de chemin de fer en Afrique de l'Ouest, voulue par Michel Rocard. Oui. Avant qu'il décède. Jusqu'à Gibraltar. Peut-être. Je sais pas, il disait il faut faire un grand anneau dans le Sahel avec un TGV. Non, je ne blague pas. C'était. Donc, ancien Premier ministre français, quand même, je précise. De gauche, bien sûr, de Mitterrand. Il disait il faut faire un grand circuit. Alors, il avait tout un temps. Oui, parce que vous comprenez, l'Afrique, machin. Et alors, donc là aussi, ça allait faire des miracles, quoi, tu vois. Ils avaient des grandes idées. Bah oui. Bon. Et ben non, bah oui, bon. Le français n'a pas abandonné l'idée de l'alchimie. Tu vois, hein, ça n'a pas marché. Ça ne marchera jamais, mais allez, on y va. Hein, faut tenter. Donc Borloo, c'est quand même un esprit actif, on va dire, hein, parce que un esprit actif à 250 l'esprit milliards d'euros. Oui, oui, oui, 250 milliards. Qu'est-ce que c'est 250 milliards? Et en même temps, j'ai envie de te dire, Derek, quand on voit qu'Emmanuel Macron, pour lutter contre la grippe, a dépensé quasiment 1000 milliards d'euros, franchement, est-ce que 250 milliards pour reloger ces nègres et ces bicots si méritants, et ensuite pour électrifier toute l'Afrique, est-ce que quand même on n'aurait pas été plus gagnant au change? Oui. Non, je crois pas. Enfin bon, est-ce qu'on n'aurait quand même pas été plus gagnant au change? Même si je crois pas. Ouais. C'est pareil, t'es pas convaincu non plus, ouais. Mais alors, moi, j'ai une question tout de suite qui me vient dans la foulée, c'est en fait, mais pourquoi ils veulent électrifier l'Afrique, en fait? J'ai pas compris. C'est non, enfin, c'est quoi l'idée derrière? L'idée, c'est quoi? C'est que les noirs voient dans la nuit? Je comprends pas. Je veux dire, j'arrive pas à saisir. Bah, on en avait parlé à l'époque, mais fait, bon, le système nègre, comme j'aime à le rappeler, c'est un système qui, dès qu'il trouve de l'énergie, la consomme et se réplique. oui. C'est un système très simple. Hein, de... voilà, c'est... Oui, ça convertit automatiquement. Oui, oui, c'est oui. Ouais, oui, d'accord. C'est, voilà, c'est une voilà. Cellule, quoi. C'est okay. Une cellule, quoi. Énergie, en fait, voilà. Énergie nègre, nègre plus. Voilà. Facile, hein. Il y avait plus rapide. Il y a pas de. Enfin, il y a pas de. On n'attend pas un petit peu, quoi. De suite. Oui, c'est une cellule, quoi. Oui, c'est... Non, je veux dire, une cellule avec un développement anarchique. développement... Oui, aléatoire, aléatoire. Une multiplication anarchique, oui, ce qu'on appelle plus communément le cancer. Alors, Derek, on a fait le tour donc de un petit peu de la situation. On a parlé bon des faits en eux-mêmes, de la police, du rôle de la France insoumise, du rôle des Juifs évidemment de l'éther, la décomposition du pouvoir en place, la reddition en plus grave de 2005, donc d'émeutes purement raciales. Les plus jeunes des auditeurs n'ont pas connu hein, les émeutes de l'époque. Privilège de l'âge, j'allais dire malheureusement, je les ai connus en tant que jeune militant. Dans ma jeune vingtaine aussi, d'ailleurs. Donc, il y a des jeunes de mon âge à l'époque qui ont mon âge de l'époque maintenant, donc qui les expérimentent en plus sévère. Et il y aura forcément des répliques, peut-être pas immédiates d'ailleurs. Mais si on doit se tourner vers l'avenir, on doit regarder vers le futur. Et donc, en parlant à nos auditeurs, en disant, voilà, parce qu'il y a forcément... Donc, le constat est fait et c'est finalement, intellectuellement, assez facile de poser un constat. Mais maintenant, quand on regarde le futur, toi, comment tu vois ça? Comment tu te dis, voilà, je dois regarder l'avenir à 5 ans, 10 ans, 15 ans, non seulement selon les forces en mouvement aujourd'hui en France, mais aussi à l'extérieur. Beaucoup de nos auditeurs aimeraient savoir, voilà, vers quoi on va. Si on va vers une guerre raciale, comment ça va se passer pour nous? Est-ce que ça va être... très violent ben, comme ça tout le temps ou est-ce que ça va être mou comme on a connu pendant 17 ans et puis tout d'un coup ouais, voilà, on a une flambée, ça dure deux semaines et ensuite ça se recalme. Ça c'est tu parles d'un point de vue purement racial. Racial, économique, tout hein, je veux dire. Voilà. Là on a le rappel de la séquence raciale. On a depuis quelques années des signaux de la part de l'État, d'un durcissement, hein, Covid, rationnement de l'énergie. Quand je dis rationnement, c'est rationnement par le prix. Hein, effectivement, les taxes, hein, l'État se gave par les taxes et bon, alors, fait tourner la machine comme ça. Oui, comment je vois les choses pour l'avenir, je vois que ça va évoluer dans ce sens-là. Plus de rationnement par effectivement la taxe, hein, c'est la seule manière en fait de l'État de légitimer, enfin, d'avoir les moyens de faire tourner la boutique. Oui, moins pour tout le monde. Moins pour tout le monde. Voilà. Hein, de quoi? Moins pour tout le monde. Voilà, moins pour tout le monde, sauf les happy few, on va dire, oui. Et puis ça va fonctionner jusqu'à un moment où il n'y aura pas assez et le camp qui est dans la vitalité qui n'accepte pas va demander à ce que les cartes soient rabattues et puis ça passera comme ça puisqu'il va y avoir l'électorat macroniste dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Des vieillards. Donc une partie sera mort, le reste sera caca. En fait, oui et non, parce que quand tu regardes la composition, enfin, t'as la logique de flux et la logique de stock, et il faut pas se tromper sur l'électorat macroniste, enfin, donc l'électorat du statu quo, c'est qu'en fait, la part des vieux relativement à la population va continuer d'augmenter, en fait. Donc, même si les boomers vont disparaître extinction, les projections démographiques sont claires, c'est que la part relative des vieux dans la population va continuer de s'accroître. Encore augmenter. Ouais, malheureusement. Après, est-ce qu'ils vont être aussi fanatiques que les boomers? Voilà, je sais pas. Mais disons qu'on peut pas se dire, voilà, mais les boomers vont crever, ouais. Et ensuite, il y aura automatiquement un rajeunissement de la population, d'ailleurs, qui veut pas dire blanchissement. Hein. Ah non, il n'y aura pas de blanchissement. Alors. C'est pour ça que je dis, le camp de la violence, ce sera le camp halogène. Hein. Bien sûr. C'est pour ça que Mélenchon table sur l'avenir. Oui, il joue 10 ans, 10 à 15 ans à l'avance, il joue Mélenchon, en fait. Bien sûr. Et puis, tu vois ton pays devenir africain, OK. Mélenchon peut espérer, grâce à tous ces halogènes. Bon, c'est pas la gratitude. Toujours les 10 ans, ouais. C'est pas la gratitude qui les anime, enfin, peut-être que les halogènes consentiront à lui laisser une petite statue quelque part au fond d'une ruelle. Peut-être. Oui. Mais ça va passer par là. Donc l'État va par push-pull, c'est comme ça. Hein, donc que le Covid, là, ça a été un moment. On recule un peu, on repasse à l'assaut. On vous laisse 6 mois tranquillou, ok, voilà, hop. Guerre, machin. Donc, on va en profiter. Ok, en fait, vous allez payer l'électricité 10 fois plus cher que ce qu'on la fabrique. Ouais, pourquoi ouais, Parce que. Parce que c'est comme ça. Parce que l'Europe, en gros, c'est... Bon. Macron a annoncé d'ailleurs dans sa visite à Marseille, qui a complètement été foirée à cause des violences raciales d'ailleurs, hein. Il a passé 3 jours à Marseille, et en visite à l'étranger, hein, c'est visite d'État en Algérie, quoi. Hein, tu veux 3 mois, il vient. Ouais. Et il a quand même annoncé au passage, ça n'a pas été tellement relevé, il y a un... Hôpital militaire, oui, pour les guerres de haute intensité, 300... Ouais. Bon, le temps qu'il construit, de toute façon, il y aura eu le temps que la guerre soit terminée. Il y a déjà un hôpital, c'est juste que est bourré d'amiante. Donc en gros, c'est bon. Ouais, tu vas mourir d'autre chose en fait. L'amiante, tu meurs pas, mais bon, pas non plus. Ça, tant que c'est en place, ça pose pas de problème. Mais non, c'est juste que c'est pour faire tourner la machine, pour faire tourner le business des copains, quoi. Hein, ça, oui, aussi, bien sûr. Les BTP en France, Bouygues, c'était le premier. Bien sûr, mais les Bouygues sont sur le chantier, quoi. Un des grands négrificateurs de la France. Ah bah évidemment, évidemment. Ah, bon, donc tous ces gens-là ont besoin. Ok, bah voilà, on annonce des trucs. Il y a un hôpital. Ouais, bon, mais il est trop vieux, on va refaire un tout neuf. Voilà. Celui-là, on va le fermer, on va refaire un. Donc c'est bien, ça va faire du boulot, etc. Pour soigner les éclopés du front de l'Est. Ouais. Enfin, à mon avis, il sera pas ouvert un temps et une heure, mais bon. Ouais. Oui, d'ici là, ça sera terminé. Il sera peut-être commandé, mais il sera peut-être pas construit, quoi, on va dire. Ouais. Ah oui, bah là, ça c'est... Bon. Puis tu sais, ils disent 300 millions, puis à la fin, quand la facture sera là, c'est 700 millions, quoi, tu vois. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, quoi. Sur la histoire, il faut faire traîner, il faut faire traîner en longueur, quoi. Oui, non, mais est-ce qu'il y a des... les mecs qui font ça, est-ce qu'ils sont exclus des offres des marchés publics? Après, pas du tout, hein, non. Non mais tout est comme ça, je veux dire, en France c'est une grande... C'est un cartel. Bien sûr, même quand ils font une commande, voilà, alors on va construire un porte-avions, etc. Oui. Oh non, mais c'est pas gros, c'est 2 milliards, d'accord. Mais tu sais quand t'as fini tout le truc... Les Jeux Olympiques aussi. Je sais même pas imaginer le truandage général, quoi. Alors les gueux dans les provinces, ils reçoivent les nègres. Parce qu'il les vire de partout dans les rues de Paris pour les déverser donc chez la France périphérique, de toute façon qui vote mal. Mais donc ça va accélérer le truc, mais je sais pas comment ça va se... Tiens, je te pose une question en passant. Du coup les JO de 2000, bon déjà là l'été, je sais pas. Bon, c'est vrai que ça fait que 3 jours que ça crame, peut-être que dans 3 jours c'est terminé, médiatiquement on passe vite à autre chose et les touristes auront eux-mêmes passé à autre chose. J'ai vu qu'il y avait quand même des touristes étrangers qui commençaient à décommander en France. Bon, de là à dire que l'été est complètement condamné, j'irai pas du tout penser ça. Non. Hélas, le flot de tourisme est très peu impacté par ça, quoi. Ça tire un peu la gueule quand même quand tu vois des images comme ça. Quand tu vois des trucs comme ça, t'es pas tellement rassuré. Mais bon. J'ai vu un bus de chinois là. Ouais, mais ils viennent toujours. Enfin, c'est comme à Paris, quoi. De longue, ils se font. Ils se, ils, se, ils se font assaillir par des hordes de bougnoules et de nègres. Mais ils continuent à venir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est... En plus, pour acheter... Je pense que les Chinois, ils sont un peu pétés aussi. Ah ouais, non, mais il y a un truc, quoi. C'est, ouais. Nous allons vous faire découvrir la belle France. Et t'es là, oh putain, t'es ta mère, putain, vas-y, toi, face de jaune, donne-moi ton... Eh, Covid, donne-moi ton portefeuille. Et c'est comme ça, hein. Ouais. Enfin là, t'étais dans le bus, là, et il y avait une influenceuse qui s'était fait braquer par une Chinoise, hein. Une midinette, là, de Hong Kong, qui avait, je sais pas, 10 millions, j'en ai parlé dans une émission récente, elle avait 10 millions de followers en Chine. C'est pas la plus grosse influenceuse de Chine, tu vois, mais quand même 10 millions, c'est pas rien non plus. Et elle avait filmé de l'intérieur son van, c'est comme raison, tu sais, ils ont des vans, tu sais. T'avais des putains de scooters de Bico qui pétaient les vitres et tout pour choper les Louis Vuitton. Ouais, mon ami, ouais. C'est ça, c'est des. Ouais, entre les hôtels de. Non, mais c'est Mad Max, quoi. C'est Mad ouais, entre les hôtels de. Où ils vont. Et Roissy Charles de Gaulle. C'est-à-dire les mecs ils savent parce qu'ils savent qui cibler. Ils savent bien. Ils sont pas les Maghrébins, c'est des pillards de. Enfin, les Algériens sont des pillards de caravanes depuis des siècles. Je leur reconnais d'ailleurs cette qualité. C'est-à-dire c'est des pirates qui connaissent leur travail. Donc ils vont pas aller piller Robert qui va au Durban pour toucher 1700 euros par mois. Ça vaut rien ça. Ils vont cibler les dindons qui ont du fric, du cash, beaucoup de cash. Et ils savent très bien comment ça se passe. Donc, ils font un bon boulot de ce côté-là, les pilleurs algériens. Alors, d'habitude, enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a conquis l'Algérie, il faut quand même le rappeler. On n'a pas conquis l'Algérie parce qu'on trouvait ça que c'était beau. C'est qu'au bout d'un moment, à force que les femmes blanches se faisaient radier à Nice et sur tout le pourtour de la côte française, au bout d'un moment, les Français se sont énervés, ils ont envoyé l'armée en Algérie foutre de l'ordre. En fait, c'est ça! Les barbares, oui, c'est ça l'histoire, hein. Voilà. Alors, sauf que l'armée française, elle est pas repartie. C'est bien dommage. Mais elle est donc on a, et voilà. Et maintenant, c'est encore pire. Comme quoi, hein, des bonnes solutions à court terme peuvent être des mauvaises solutions à terme. Si c'était contenté de transformer le pays en réserve naturelle, quoi. tout à fait. En zoo, en fait, hein. Mais à mon avis, tu sais ce qui les a empêchés de le faire? C'est ce qui les a convaincus de pas le faire? Les juifs. Et les juifs. Exactement. Ah, voilà. Exactement. Exactement. Exact. Et oui, c'est totalement évident. Bien sûr. Voilà. Et oui. Alors voilà, donc on est. Alors maintenant, sauf que maintenant, ils chassent en Europe. Alors ils sont là, ils font ce qu'ils veulent et tout, voilà. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment, quoi. Les gens sont là, on comprend pas. Mais c'est vieux comme le Moyen-Âge. Vous voyez là, parce que je suis abonné à quelques comptes nationalistes irlandais, ils commémoraient un truc. C'était une razzia en Irlande. Des pirates algériens ont débarqué, ils ont pris toutes les femmes du village, tu vois. Ils sont repartis avec, tu vois. Direction le bled, quoi, tu vois. Pour les revendre, hein, bien évidemment. J'imagine qu'en route, ils se sont pas emmerdés avec, bien sûr, tu me comprendras. Mais je veux dire, au fond de l'Irlande, je veux dire. Oui, non, mais même plus haut, ils sont allés jusqu'en Islande, hein, il me semble, hein, ils sont allés super haut, hein. Putain, faut quand même être vachement énervé pour remonter jusqu'en Islande depuis l'Algérie, quand même. Même parce qu'on devait tellement les payer à prix d'or pour avoir des femmes blondes aux yeux bleus que c'est comme les épices avec l'Inde, quoi. Tu vois, c'est la même chose, quoi. Parce que c'est ça l'histoire de Christophe Colomb. Christophe Colomb, en fait, il voulait pas découvrir l'Amérique, il voulait découvrir les Indes. Parce que le prix du poivre était tellement élevé, que le mec qui découvrait l'endroit où on produit le poivre devient millionnaire. Et comme c'était occupé par les musulmans, enfin l'islam, coupé en deux la route avec les Indes, l'Empire ottoman, contourner la route permettait de faire basculer le commerce mondial, n'est-ce pas ? Et je pense que pour les femmes blanches, blondes, aux yeux bleus, de Scandinavie et d'ailleurs, c'était la manne absolue, quoi. Et je comprends, à mon avis, pourquoi les pirates algériens... braver les mers, quitte à remonter aussi haut que l'Islande, parce que quand même, c'est pas évident, hein. Était prêt à le faire, parce que tu revenais avec des femmes blanches et blondes aux yeux bleus, là, t'avais gagné la timbale, quoi. Hein? Voilà. Alors, sauf que maintenant, ils sont établis chez nous, en France. Toute cette mémoire a été oubliée, hein. Alors que c'était très présent dans les populations locales, hein. Ouais, non, mais bah, c'est, oui, sur les côtes, les côtes provençales, les côtes, ah oui, côtes, hein. D'Azur, la côte d'Azur, c'était la côte du rapt, quoi. Hein, Bizarre, ils s'arrêtaient pas que sur les côtes, hein, ils allaient même profondément dans les terres. Oui, ils montaient plus haut, non, oui, ils montaient dans les terres, mais je veux dire, toutes ces régions-là étaient dépeuplées. Il y avait quelques. Il y avait des paysans à droite, enfin, un petit peu, quoi, qui vivaient là, mais le moindre développement économique, c'était pas possible. Parce que tu avais de suite, à intervalles réguliers, tu avais des razzias. Ouais, les orques et les gobelins arrivaient, quoi, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Donc, ouais, je regardais effectivement, c'est bien en Islande, hein, je te confirme. Ouais, confirme. Au XVIIe siècle, en Islande, voilà, il y a 4 bateaux, des Algériens, hein, d'Alger. Hein, c'est... Extraordinaire. Voilà. Ah oui, voilà. Bah oui, il fallait de la blanche, quoi. Ça, c'est bon. Ah ouais. Enfin, pas pour leur consommation personnelle, uniquement, je veux dire. Hein, c'était... Et probablement même pas pour leur consommation personnelle, parce que les ventes vierges, ça valait encore plus. Non, mais tu en avais pour les comment ça s'appelle ? Les sultans, j'imagine, les sultans. Oui, pour les sultans, voilà. La cour des Turcs, hein, à mon avis, hein, à Istanbul. Hein. C'est ça. Oh, je pense. Donc voilà, et maintenant, ils sont là, ils campent en France, ils sont, je ne sais pas combien de millions. Ah non, mais là, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Tant que l'État français s'endette, ça va, en fait. Tu payes le rap. Parce que c'est ce qu'on disait, et peut-être qu'on peut terminer l'émission là-dessus, c'est qu'au fond, le conquérant exige un tribut. Macron va devoir consentir aux tribus. J'aime bien parce qu'on dit des catégories différentes aujourd'hui. On ne dit pas tribu, on ne dit pas monarque, on ne dit pas roi, etc. Mais en gros, c'est ça. Quand tu regardes toute l'histoire médiévale ou antique, c'est ça, en fait. Tu vois, t'as un roi ou un chef d'une tribu, il arrive, voilà, il a ses guerriers, il dit, voilà, il fait son coup, il dit, voilà, maintenant tu me payes tant, et t'as la paix, on fait une trêve pendant X temps. Le roi, etc., il accepte, etc., voilà, et puis jusqu'à ce que l'autre devienne trop faible et... Il est renversé, quoi. En gros, c'est ça. Macron, Hollande, ça. Donc, le roi Chirac avait le roi nègre. Donc, lui, on peut l'appeler le roi nègre. Le roi nègre honoraire. Le roi nègre honoraire Chirac. Le roi nègre honoraire Chirac. Lui, il avait consenti aux tribus en 2005. Hein. On en a de nouveau une rebelote. Donc, Macron va consentir aux tribus. D'ailleurs, Mélenchon, je pense, prépare déjà ça aussi. Hein. Il veut être à la bonne table. Hein. Donc je pense qu'il y aura un Grenelle des quartiers populaires. Lors de son Grenelle des quartiers populaires, les nègres vont dire qu'ils ont très faim, les bicots vont dire qu'ils ont très faim, et Mélenchon va essayer de s'intercaler en disant qu'il est l'intermédiaire indispensable qui assure la paix civile. Donc il va dire, voilà, moi aussi, mes gens ont très faim. Et voilà, on veut des sous. Et je pense que Macron va leur donner des sous. Et d'ailleurs, Bornstein, hein, la première ministre juive de France, a dit que il fallait repenser la politique de la ville et être beaucoup plus ambitieux. Donc, il faut être plus ambitieux. Ça en bon français, ça veut dire les blancs vont vous êtes appelés à donner plus. Voilà, plus. On ne demande pas votre avis, c'est comme ça. Voilà. Plus exactement, nous allons faire des prêts auprès de la banque juive à New York. Et vous, vous allez rembourser ce prêt, mais en plus avec un intérêt dessus, parce qu'il faut que les juifs touchent aussi leur part. Donc, les bicots et les nègres sont gagnants, les banquiers juifs sont gagnants, les politiciens sont gagnants parce qu'ils vont émarger, les grands perdants sont évidemment les prolétaires blancs, les travailleurs blancs, les chefs d'entreprise blancs, bon, bref, tous ceux qui se lèvent le matin pour bosser. Voilà. Ça, c'est eux, c'est les dindons de la farce, depuis maintenant 50 ans. Mais est-ce qu'au fond, ils sont à plaindre ? Je te pose la question un petit peu, peut-être de manière un petit peu... Je te titille un peu, mais... Parce que je vois qu'il y a un discours victimaire qui s'installe aussi là, chez les Blancs. Là. C'est assez insupportable. Ils disent « Ah, les pauvres Français, etc. » Mais est-ce que toi, tu penses qu'ils sont victimes ou est-ce que finalement, ils ont... Enfin, la question est orientée, je l'assume. Mais est-ce qu'ils ont pas largement contribué à ce qui leur arrive ? Ah bah quand même, oui. Ils veulent pas être... Non, mais... oh, on n'est pas racistes. On n'est pas racistes, monsieur. Non, nous, c'est comme ça. Hein. Non. Bref, l'amour inconditionnel du nègre, c'est, on n'a pas forcé le français à aimer les nègres. Tout à fait. C'est vrai que c'est vrai. Bon, il y a une espèce comment on s'appelle ? Alors là, pour le coup, c'est pas pulsion de mort, mais c'est une pulsion gâteuse. Tu vois, le comte de Gaulois qui voit son... Voilà, qui regarde un nègre à babine et qui rigole, tu vois, avec ses dents blanches. C'est ce qu'il faut pour être heureux aux Français. Ça lui suffit. Il est content. Ouais, c'est donc vrai. C'est pour ça qu'il en veut partout. Bon, ça, il y a beaucoup ça dans certaines régions. Oui, c'est-à-dire que voir le nègre avec ses dents blanches, c'est une thérapie émotionnelle pour le blanc. Ah ouais. Enfin, pour le blanc de France, ça, oui, pour le gaulois, il oui. Il oublie les soucis de son côté. Oui, c'est vrai, oui. Sa femme grosse, etc. Putain, oh là là, oh là là, avec ses dents blanches. Oh, ah. Billy Baron, il danse, il est rigolo. Oh, mais c'est formidable. L'extase. Devant ce miracle de la création. Et j'ai poussé un peu plus loin ma réflexion. Je pense que les Français ont perdu le droit de se gouverner. Oui. Parce que le droit de se gouverner se mérite. Hein. On doit en faire la démonstration. Pour être un peuple libre, il faut en faire d'abord acte de volonté et ensuite mettre des actions au bout de cette volonté. Or, je crois que les Français ne méritent pas d'être souverains et libres. Parce qu'à chaque fois qu'ils prétendent l'être, ils abandonnent très vite. Et je crois, et malheureusement l'histoire a tendance à le prouver, que les Français veulent être gouvernés par des étrangers. Depuis Rome, en passant par les Médicis, les Francs, peut-être même les Allemands en 1940... Les Français étaient très heureux, d'ailleurs, sous l'occupation allemande, contrairement à tout ce qu'on a raconté. Très heureux de l'ordre allemand. Moi, j'ai entendu des gens dire « l'ordre allemand, ça manque ». Et je ne parle pas de nazis ou de gens qui sont nostalgiques du Troisième Reich. Les gens disaient, en gros, j'ai vu des anciens dire « ouais, bon, non, les nazis, imagine. Mais l'ordre allemand, ça manque ». Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a dit, sur tout ça, tout ce chaos en place, là, tout ce foutoir Non, si on devait retenir un petit peu quelque chose, parce que, bon, pourquoi parce que, voilà, c'est comme ça, ne laissez plus passer les violences urbaines. Voilà. Oui, émeute raciale, violence urbaine, niette. Exactement, niette. Wagner a pris le pouvoir en France. Si ? Bah si, t'as vu, je disais ça à Derek en aparté, mais je peux pas montrer les images, forcément. Mais dans une ville française, donc il y a eu un assaut en règle du centre-ville, et sous les assauts, en fait, des barbares afro-orientaux, il y a une pharmacie qui s'est écroulée sur elle-même, donc une pharmacie historique du centre-ville. Elle s'est éboulée, complètement éboulée. Elle a pris feu, elle s'est complètement éboulée. Et Kim Jong-un, que vous suivez peut-être sur Twitter, donc que je salue amicalement parce que j'adore son compte Twitter et il fait un boulot remarquable, a dit que le bled... Je me rappelle plus du nom du bled. Je sais pas, c'était pas Anière ou je sais plus. Mais... Ah tiens, on dirait Bakhmut. Le pire, c'est que c'est vrai. Eh, imaginez à Moscou en ce moment comment on doit se taper les cuisses en regardant la France qui la semaine dernière misait sur une guerre civile en Russie. Non mais les gars, je veux dire, faut faire vachement attention avec ce genre de prévision à la con. Attention aux politiciens français et leur plan sur la comète, parce que je veux dire attention. D'ailleurs, attention aux politiciens français tout court. Oui, attention voilà. à tout ce qui ressemble à un pseudo. On a parlé du commandement français, donc s'il vous plaît, arrêtez avec tout ce qui est galon en France. Ils en savent moins long que vous, et ils vous font des grands projets. Et avant même que vous ayez compris comment, un nègre est en train de bouffer des pâtes dans votre appartement pendant que vous êtes, attaché à un radiateur. Donc, s'il vous plaît, attention à tout ça. Non, la France n'est plus gouvernée, c'est le chaos. Et c'est juste parce que les nègres vont se fatiguer, les arabes vont se fatiguer parce qu'ils auront trop bouffé, trop bu, trop pillé. Oui, et puis qu'ils ont des vacances qui sont prévues. Voilà, tout à fait. Il faut prendre le bateau, il y a l'avion. Tout ça est booké, voilà. Et c'est vrai, hein, l'année où ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu COVID, bouger. Oui, privé de Covid. C'était infernal, hein, la France. L'été en France, c'était infernal. Hein. Et... Il y en avait trop, en fait, c'est ça que tu veux dire, il y avait partout, quoi. Bah, ils étaient partout, il y avait que. Mais il y en avait plein. C'était un été, il faisait une chaleur diable, en plus. Ouais, c'était sur les chaleurs, c'était sur les plages et tout, quoi, c'est ça, faire chier les gens. Mais tu sais, partout, dans les villes, partout. Et bon, à part cette année-là, quand il y a eu des réouvertures, même partielles, bon, ils sont partis au bled, hein, voilà. Et c'est plus respirable du coup, hein. C'est respirable. Mais ouais, quand la France respire, en fait, c'est quand elle envoie ses bougnous, les sénègres, à l'étranger. Mais oui, c'est pour ça que l'été, moi, je vois ce truc-là, ça marche parce que c'est le début d'été, mais ça va s'essouffler rapidement parce que il faut qu'ils aillent niquer leur cousine, quoi, quand même. Hein. Voilà. Ah ouais. Bah oui, c'est sûr. Derek, merci, ouais. Et souhaitons le meilleur aux Blancs qui essayent de survivre en environnement ethniquement sinistré. Mais oui, gardez la tête froide. Oui, et à Hitler ? Oui, c'est Gaël. C'est Gaël. We'll be right back.